Dans la Bible, Oui. je ne maîtrise pas la Bible, Oui. mais on parle de géants, Oui, c'est justement dans ce passage, c'est là-dessus qu'on tient par d'hommes la de suite. grande taille. Oui. Non, non, même pas de grande, de haute stature. Ils avaient presque 6 mètres, 7 mètres, 8 Oui, mètres. c'est ça, Oui. j'ai une grande taille, oui, Oui. c'est ça. On les appelle les Néphilim. Au verset 4, là, à partir du verset 4, suivant, c'est là, ça se trouve. Et vous savez que c'est à cause de la présence de ces êtres Oui. à une époque, Oui. parce que forcément, là, ils sont plus là, on va dire. C'est à cause de cette période de la Bible, hein, qu'ils ont envoyé ils ont inventé la guerre en Afghanistan. En Afghanistan, hein. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Dieu aurait caché une certaine quantité de ces hommes-là, Oui. il les aurait mis en sommeil. Et en fait, le mal Oui. essaie de les trouver. Donc ils ont trouvé l'excuse du terrorisme, etc. Oui. Ils ont envoyé des armées, des militaires dans ces pays-là pour fouiller dans les montagnes. Mais comment ils ont su qu'il y a des gens cachés ainsi? Je ne sais pas. Mais c'est ce qui se dit. Mmh. Après, je sais qu'il faut se méfier de ce qui se dit sur des interviews, des reportages sur Internet, hein, qui sont en rapport avec Dieu. Mais moi, j'étais Oui, choqué. parce que j'ai vu J'ai été certaines vidéos, on choqué. parlait des carcasses des gens où il y avait carrément des êtres humains, des scientifiques et des anthropologues dans les cerveaux, dans une ville du Ils ont coup. trouvé des squelettes, Oui, des squelettes, c'est ça, des squelettes, comme oui. s'ils trouvaient des squelettes de De dinosaures, des choses dinosaures, comme oui. ça. D'un être humain, oui. Et effectivement, on voit une photo. Un être de 1,80 m Ouais, qui danse dans c'est la le tête. frein. C'est la tête. Et on se dit, waouh, c'est quoi ça? Donc ils ont compris qu'à une époque, après ils ne sont pas bêtes, hein, faut pas rêver. Hein, le mal, il a déjà certainement lu une Bible. Non, il Donc connaît tout ce qui se passe. il sait ce qui se passe. Donc ils sont pas bêtes. Ils se sont dit, waouh, il y a marqué ça dans la Bible. Finalement, on trouve des squelettes. Donc ça a vraiment existé. Donc ils se rendent compte Oui, que ce n'est pas toujours. une plaisanterie. Voici ça. Les Les gens géants étaient étaient sur sur. la terre en ces temps-là. Ils ont tiré à hasard. En plus, je parle de ça, puis c'était. Ils en furent de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Etc. Dans la Bible, on L'Éternel parle. vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc c'est à partir de cette race-là que le mal est venu, puis Dieu a assisté dans le. Et pour finir, et donc ils expliquent que ils auraient la trouille que Dieu réveille ces géants qui, eux, forcément, que le mec soit milliardaire ou que le mec soit pas milliardaire, je veux dire, ils y passeront. Mais Donc, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce que la race humaine cherche au juste? Voilà, par exemple, la Bible présente qu'il y avait des gens sur la terre. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi ils croient? Quand ils cherchent, ils font des recherches. La dernière fois, ils ont découvert l'âge de Noé là-bas, aux extrémités du mont Ararat. Quand ils voient l'âge de Noé, et la Bible dit clairement, quand l'eau a baissé, l'âge a été déposé là-bas au mont Ararat. Pourquoi, quand ils voient ça, ils ne parviennent même pas à croire directement que ah, la Bible a situé depuis la Genèse, plus de 5000 ans avant, exactement la position où l'âge avait chuté. Et lors des excursions en 1950, 1920 d'abord, ils ont découvert l'âge là, les débris de ça là-bas, ils en ont pris même pour mettre dans le musée. Pourquoi ne parviennent-ils pas à croire que comme Dieu a dit, il a détruit ce monde-là, il va encore le détruire aujourd'hui? Pourquoi? parce que ça serait une façon de reconnaître que Dieu existe. Voilà. Et ils ne veulent surtout pas que l'être humain croie que Reconnaissant. Dieu existe, parce Oui. que si l'être humain croit que Dieu existe, il y aura forcément une partie de ces êtres humains qui ne savent pas que Dieu existe ou qui ne Oui. veulent pas entendre qu'il existe, vont finalement se lier à Dieu, pour Oui. comprendre que ça serait une perte pour le diable. Et le diable, il passe par quoi? Pour nous convaincre d'aller avec lui, Oui. il nous fait passer par tout ce qu'on a envie. Oui. C'est-à-dire l'argent, Le désir charnel, le plaisir charnel et autres. les désirs charnels et le pouvoir. Et finalement, le diable fait croire à certains que c'est des dieux. Oui. Donc du coup, ces gens-là, donc ceux qui sont dans l'ombre, oui, se prennent pour des dieux, oui, et veulent avoir le pouvoir. Oui. Ils veulent se sentir avoir le pouvoir. Ils ont beau avoir des milliards en banque, oui, ils sont pas encore assoiffés. Oui. Et ils veulent avoir la main sur nous. Ça laisse à quoi d'avoir la main sur nous? Le pouvoir, l'envie, mmh, c'est le défaut. Pour nous manipuler. C'est le défaut de l'être humain. Mmh. Et en plus de ça, comme Dieu est en train de temps en temps, c'est comme un parent, mmh, il met une gifle. Mmh. Donc du coup là, on peut se retrouver dans des situations un peu particulières au niveau du climat, au niveau des saisons. Mmh. C'est-à-dire, tiens, il n'y a pas eu beaucoup de pluie. Mmh. Donc du coup, s'il n'y a pas eu beaucoup de pluie, il n'y a pas eu beaucoup de céréales. Donc il y aura moins à manger sur la, mmh, terre, ce genre, mmh, de choses. Parce que là, je ne sais pas si c'est vrai. Mais moi, je me méfie. C'est la première fois que... Non, c'est le mensonge. Il y a le... Il y a parce que là, ils disent que depuis le 2 août... On a consommé, voilà, toute la... Voilà. C'est le mensonge. Voilà. Mmh. Et donc, quand j'ai vu ça, parce que apparemment, plein de monde le savait, moi, c'est la première fois que je découvrais que il parlait de ça. Et mais c'est là où on voit qu'ils ne vivent pas avec Dieu, parce qu'ils se permettent, eux, de calculer. De calculer, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'on a encore de quoi manger sur terre ou pas, mmh, ça. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'ils veulent, gérer les naissances. Oui, le contrôle des naissances. Ils veulent contrôler les naissances. Mmh. Donc, leur objectif, ils ont fait un test... Ils ont fait un test dans une ville aux États-Unis avec un avion. Ils ont répandu un produit pour voir si ça fonctionnait. Pour rendre stérile, oh, la femme ou l'homme. L'homme peut devenir stérile. Enfin, oui. La femme pourra beau être féconde, si l'homme est stérile, ça fonctionne. Ce test-là a pour but de faire quoi aux États-Unis, le test? Mais voir si ça fonctionne. Oui. Et la population n'en est pas au courant. Non. Et ils auraient fait un test dans un village au-dessus du... en France, hein, mmh, dans le sud de la France. Et ils auraient fait un test, pareil, avec un avion répandu, sauf que là, c'était un peu comme une drogue. Mmh. Mais c'est pas... Quand ils font ce genre de test, ils font ces tests-là, pourquoi? Voir si ça fonctionne. Ils répandent... Ils répandent un produit, et vérifient si cette opération fonctionne, oui, si elle est efficace. Oui. Et donc, et tout ça, pour moi, c'est une préparation à ce qu'ils ont comme plan. Ils ont leur plan, là, ils ont leurs idées. Oui. C'est-à-dire, dans 10 ans, tiens, on va mettre ça en place. Et bah, c'est des choses que je découvre beaucoup en ce moment. Oui. Ma femme trouve que je suis beaucoup sur Internet. Alors, il y a des choses que je peux regarder qui ne sont pas forcément bonnes, du football, des choses comme ça. Oui. Mais je vois des choses comme ça. Et oui, ça fait assez peur. Et je ne sais plus du tout. Le premier reportage qui m'a impressionné, c'est une petite fille de 11 ans. Je ne sais pas si vous l'avez vu ça. Elle est dans une église et témoigne. C'est une sud-américaine. Soit une mexicaine, une colombienne, ou peut-être, elle a 11 ans à l'époque. Ah oui, la jeune fille qui parle, Dieu lui a fait visiter ouais, l'enfer. Mm. Dieu lui a fait visiter l'enfer. Dans son témoignage, elle pleure. Elle pleure, ouais, exactement. Et moi, ce reportage-là, il m'a impressionné. Et je l'ai même fait écouter à quelqu'un à mon travail, un Tahitien. Et déjà, il n'a pas été capable de le regarder en une fois. Tellement que ça l'a secoué et il en aurait pleuré. Mmh. Il en aurait pleuré, voilà. Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que les derniers éléments qui se disent sur Internet, quand on fouille un petit peu, mmh, c'est ça, c'est voilà, ils sont en train de vouloir limiter, on va dire, les naissances. Mmh. Faut savoir que j'ai une sœur aînée. Mmh. Dans ma famille. Et donc ma maman a accouché de ma soeur. Mmh. Et avec mon papa, il dit, c'est bon, on a une autre fille, on s'arrête là. Mmh. Et elle s'est fait ligaturer les trompes. Pour empêcher la naissance. Pour empêcher une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Mmh. Non mais c'est bien alors. Parce que si tu permets, Prenons un sujet dans la Bible, le nouvel ordre mondial et ses ramifications. Comme tu as fait des recherches sur Internet, je vais poser des questions et tu vas nous dire quelques ramifications et les dangers qui guettent le monde qui nous attend maintenant. Mais prions avant cela, prions, d'accord? On va trouver le nouvel ordre mondial dans la Bible maintenant. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Merci de nous avoir unis ici à Casablanca, ici au Maroc. Merci pour notre frère qui vient de la France. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce moment de partage que tu nous accordes maintenant en ton Saint-Nom. Nous prions, ô Dieu de gloire, que tu nous conduises maintenant et que tu nous donnes, ô Dieu de gloire, de voir ces dangers que l'ennemi tapis dans l'ombre, ô Père de gloire. Donne aux hommes et ouvre les yeux à ceux que tu as destinés pour écouter ceci. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En fait, il y a certaines choses qu'en déclarant, ça risque de choquer. Le nouveau ordre mondial est voulu par Dieu. Quand on lit la Bible de la bonne façon, c'est-à-dire, le nouveau ordre mondial est voulu par Dieu. Je vais prendre une certaine façon pour parler ici. Ça veut dire quoi? Dieu, normalement, lorsqu'il te fait, c'est un peu comme un enfant. Si cette lumière, ce qui est devant de nous, si c'était la bougie, vous allez voir, quand un enfant est curieux, il va toujours tenter à toucher parce qu'il est curieux de savoir ce que c'est. Quand tu dis, tu es son papa, tu lui dis, ne touche pas, oh, ne touche pas. Il désire toucher parce qu'il y a la curiosité. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Le papa, à force de lui interdire cela, s'il ne parvient pas à l'interdire, il laisse en l'observant. Il laisse en l'observant. Il avance petit à petit et finalement, il finit par toucher. Quand il touche, il reçoit la leçon. Parce que maintenant, il sait que ça lui a donné de la blessure ou bien quoi que ce soit. À cet instant-là, lorsqu'il fait ça, il touche et que ça le brûle, le papa ne lui dit plus, ne touche plus. Il est au courant de ce qu'il en est et il sait maintenant quelles sont les conséquences de ces choses-là. C'est syllogisme en utilisant, en appliquant à Dieu, c'est une autre façon. Dieu a créé l'homme et l'homme a des désirs. C'est vrai qu'en toile de fond se trouve donc Lucifer avec ses désirs. C'est ça, on va découvrir cela dans la Bible au fil du temps. Je vais lire trois ou quatre passages. Je crois que c'est bon, la fin. Trois ou quatre passages concernant ces choses-ci. Et donc, dans l'homme a ce désir-là de vouloir manifester quelque chose de nouveau, l'ordre mondial. Dieu a empêché cela depuis au fil du temps et il finit par les laisser faire. Mais les laisser faire, Dieu transforme cela en son propre plan maintenant, cette fois-ci. Donc le nouveau ordre mondial, comme Nicolas Sarkozy avait dit, qu'on le veuille ou pas, finira par arriver. C'est la Bible qui dit. Et maintenant, ça tournera en faveur du plan de Dieu. C'est vrai que même si un chrétien prie sur la terre pour empêcher le nouveau ordre mondial, il se tire de. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, dans Matthieu 25 par exemple, a dit, il y a des choses qui vont arriver. Lorsque vous entendrez ces choses-là, les bruits des guerres, des famines passées, les tremblements de terre, les phénomènes bizarres dans le ciel, ne soyez point troublés. Donc maintenant, pour nous chrétiens, ces événements-là nous tirent plutôt la sonnette d'alarme pour nous montrer que, un, que l'Écriture est vraie et sera toujours vraie, parce qu'eux, ils accomplissent ce que l'Écriture dit. Donc autrement dit, ça va dans le sens de l'accomplissement du plan de Dieu. Or, ils n'ont pas les Écritures. Enfin, du moins, la grande masse. Mais ceux qui tapissent dans l'ombre connaissent exactement ce que Dieu dit. Commençons d'abord dans le livre de Matthieu, chapitre 4. Matthieu, chapitre 4. J'espère que avec ce... Oui, c'est bon là. Matthieu, chapitre 4. C'est un bon sujet. Je crois qu'il y a une heure où il faut réveiller les gens avec cette prédication. Mais il y a plusieurs autres préoccupations. Pendant que tu es en train de conter cette histoire-là, il y a plusieurs autres préoccupations qu'on va répondre, peut-être Dieu voulant, demain ou dans un autre jour. On va voir ces grands mensonges qui tapissent et qui distillent aux gens. Ça se trouve dans la Bible. Quand j'ai vu ça dans la Bible, j'étais étonné. De grandes masses. Matthieu chapitre 4. On va commencer par là. Matthieu chapitre 4. Je vais aller à partir du verset 1 et on va s'arrêter là où ça nous conduit. Voilà. Alors, Jésus fut amené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, c'est ça? 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Maintenant, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable, le transportant encore sur une haute montagne, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde. C'est ici dans le point où on va travailler maintenant. Vous voyez? Verset 8. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra, je ne sais pas où c'est, une montagne située. Lui montra, ah, si Dieu pouvait permettre qu'on dise des choses dans ce monde-ci, on aurait dit des choses. Dans la vallée des visions. Bon, c'est pas compliqué l'autre ici maintenant. Très élevé, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, c'est-à-dire les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si, à condition, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Amen. Dans l'autre passage, dans le livre de Luc au chapitre 4, toujours, dans Luc au chapitre 4, il y a un autre volet qui est ajouté là. Je voudrais qu'on y va pour compléter cette lecture, le verset 9 là, dans Luc chapitre 4. Toujours. Lisons le verset 5 et 6, parce que c'est là où ça. C'est 5, 6, oui. La Bible déclare, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. C'est terrible. Il y a deux volets qui sont dits ici. Il dit, elle m'a été donnée. Donc, la puissance et la gloire de ces royaumes-ci m'ont été donnés. Et moi, en contrepartie, je la donne à qui je veux. Ah, verset 7 dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Vous voyez, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras seul. Ceci sous-entend clairement que tous les rois de la terre servent Lucifer. Parce qu'il a dit qu'il donne à qui il le veut. Et ici, Jésus ne lui a pas dit, ce n'est pas ton royaume. Jésus ne lui a pas dit que ce n'est pas toi qui règne. Jésus-Christ n'a pas dit, c'est pas toi le créateur. Il n'a pas dit, tu mens. Il a seulement dit qu'on doit adorer Dieu pour pouvoir... La gloire qui vient de toi n'est pas la vraie gloire. On doit plutôt adorer Dieu. Donc, par conséquent, tous les êtres humains qui couvrent la gloire humaine là adorent Satan. D'une façon ou d'une autre, se sont prosternés devant Satan. On va donc vérifier d'abord l'Apocalypse, là maintenant, chapitre 11. Apocalypse, chapitre 11, pour voir quelque chose. Parce qu'il y a des gens, il y a des courants évangéliques qui disent qu'ils ne pouvaient pas croire au diable, qu'on donne trop d'importance au diable. En parlant du diable, on ne sait pas, on ne voit vraiment pas ce que la Bible en dit. Donc, après ça, on va lire. Nous sommes d'Apocalypse chapitre 11. Lisons les versets 15 et 16. Regardez. Versets 15 et 16. Chapitre combien? Chapitre 11 d'Apocalypse. Verset 15. Je crois que quand tu vas y être, je crois que ce sera bon que tu lises toi-même. Chapitre 11, verset 15 et suivant. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Amen. Donc on voit effectivement que c'est à un moment donné que le royaume sera remis en remède de Christ. Donc pour le moment, il ne peut pas régner. En fait, quand il quittait la terre, il avait dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il ne gouverne pas. C'est pas il faut que ce soit clair même pour le chrétien, c'est pas le Christ qui gouverne. Maintenant, cette gouvernance est faite uniquement sous la direction du Seigneur dans sa toute souveraineté parce que ses enfants s'y trouvent. C'est à cause de cela. Donc les événements ici, si les enfants du Seigneur sont enlevés, les chaos, enfin, même les chaos qui vont venir, sont d'après l'ordre qui lui-même l'a établi. Nous avons lu Apocalypse chapitre 11, verset 15, n'est-ce pas? Oui. Il dit, quand le septième ange va sonner la trompette, c'est là où le royaume lui sera remis. Verset 15 et 16, je crois bien. 16, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendrons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Voilà. Donc pour le moment, il n'est pas encore. Tant que ce n'est pas complet, il ne peut pas régner. Maintenant, puisque nous sommes l'Apocalypse, rentrons toujours dans le premier épître de Jean. Jean. Non, premier épître, tout juste le premier épître là, quelque part, là, après, avant Apocalypse là. Oui. Premier épître, chapitre 5. Jean, chapitre 5. Le chapitre 5. T'es dans Apocalypse. Non, pas Apocalypse, c'est... Non, ouais, voilà. Ça, c'est le troisième épître, là. Oui, ça, c'est le troisième épître. Un Jean. Oui. Chapitre 5. Oui. Voilà, le verset 19, qu'est-ce que ça dit? Jean, chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que tout le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Donc, la Bible est claire que le monde entier est sous la puissance. Ça, c'est l'apôtre Jean, le dernier apôtre avait été mort. Il dit, nous sommes de Dieu. C'est-à-dire que nous appartenons au peuple de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, sous le règne humain, sous le règne de Lucifer. Et c'est à juste titre que devant le Seigneur, dans Luc des Matthieu, nous avons lu chapitre 4, et dans Luc, il dit, prosterne-toi, adore-moi, et je te la donne, parce que ça m'appartient. Il dit clairement devant le Créateur, il dit, ça lui appartient, et qu'il donne à qui il lui plaît. Mais dans cette intégration entre lui et Jésus, Jésus ne lui a pas dit, ça ne t'appartient pas seulement le Créateur, parce qu'il y a un principe spirituel qui régit toutes choses dont Dieu a établi. Ce principe-là, le Seigneur l'a dit lorsqu'il était en ministrer, il a dit, un homme ne peut pas entrer dans une maison, piller une maison sans avoir au préalable lié l'homme fort de cette maison. S'il le lie, alors il pourra piller de tous ses biens. Le fait que Lucifer a fait tomber l'humanité dans le péché, la domination, parce que quand on regarde la création au chapitre 1 de Genèse, Dieu n'a pas donné le pouvoir aux anges de dominer sur la terre, ce n'est pas aux hommes, ce n'est pas aux anges. Quand il a créé, il dit créons l'homme à notre image et qu'il domine sur le poisson qui sont dans la mer, c'est les fils et tout le bétail. Donc c'était à l'homme de dominer. En faisant tomber dans l'homme dans le péché, l'être qui a fait tomber l'homme dans le péché, lui a lié l'homme et l'a soumis à sa cour. Donc la domination est passée automatiquement, de facto, à celui qui l'a subjugué. Si un brigand entre dans cette maison, si le chef de cette maison, quand il met l'âme là, il dit pas, il va dire tout. Même il peut dire à n'importe qui, donne-moi l'or, l'argent ici. Ça va aller vite. Parce qu'on a mis l'homme là au garde-à-vous. Alors, donc, nous établissons d'abord dans les Écritures que le monde-ci est gouverné par Lucifer. Quel est le but vraiment de Lucifer? En fait, il veut défier Dieu, comme il a dit dans la Bible. Il a dit dans la Bible qu'il sera semblable à Dieu. Il veut l'adoration des hommes vers lui. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, allons-y. Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, oui, le prophète Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 14. Quelque chose là, je tombe. Ce sont des choses qu'il faut renseigner pendant des heures, parce que ça a beaucoup de ramifications. Dans Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 12, toujours maintenant, 12, jusqu'au verset 16. Hein. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Vous entendez les pensées qu'il y avait dans son cœur. Continuons. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard. Oui. Ils te considèrent attentivement. Mmh. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre? Voilà. Qui ébranlait les royaumes. Voilà, le voilà. Donc, ça veut dire qu'à l'issue de sa chute, quand ça va, le Seigneur va régler son compte, voilà dont les gens seront surpris. Parce que ce n'est qu'un bout d'homme, il fait des réunions dans les ténèbres, il fait tantôt dans les eaux, tantôt dans les sphères, dans les grands abîmes des lieux célestes. Il donne des instructions comment le monde doit être coordonné. Mais lorsqu'il sera précipité, voilà, et on dit, parce qu'il fait des réunions avec les princes de ce monde aussi. Il fait des réunions, ouais. Comme nous sommes en réunion là. Des cultes, exactement. Ils font ça et ils font des sacrifices. Exactement. Des sacrifices humains. Ouais. Enfants, surtout. En France aussi. Enfants. L'innocence, pour prendre la vie innocente. D'accord. Alors la question c'est, pourquoi fait-il tout cela? Pour montrer son royaume lugubre. Mais regardons ce que le Seigneur dit ici. Le Seigneur révèle que même les gens qui le servaient seront surpris de sa chute. Parce que tout le monde a peur de lui. Tout le monde avait peur de lui. On dit, est-ce là l'homme qui terrassait les nations? La Bible va plus loin en disant qu'il ne lâchait pas ses prisonniers. Il dit, mais continuons la lecture. C'est amusant ce que le Dieu là que nous servons. Continuons la lecture. Toujours Isaïe? Oui, dans Isaïe là-haut. Je reprends au 17. Oui. Qui réduisait le monde en désert, oui. Qui ravageait les villes, oui. Et ne relâchait point ses prisonniers. Oui, voilà. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur chacun dans son tombeau. Mmh. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, mmh. Comme un rameau qu'on dédaigne, mmh. Comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, mmh. Et précipité sur les pierres d'une fosse, mmh. Comme un cadavre foulé aux pieds. Mmh. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, mmh. Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. Oui. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Oui. Préparer les massacres des fils, le massacre des fils, à cause de l'iniquité de leur père, mmh. Qui ne se relève pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Mmh. Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, et j'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage. Oui. Et je balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. Arrêtons-nous d'abord avant de lire l'autre volet qui touche l'Assyrien dans le gouvernement de le nouveau ordre mondial. Dieu donne beaucoup plus de prophéties ici. Il dit que tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, parlant de cet homme, de ce roi-là qui est censé être le gouvernant du monde. Puis il dit quelque chose, il dit que toi-même tu as détruit ton peuple. C'est terrible au verset 20, la partie C. Il dit que tu as détruit ton peuple, tu as fait périr ton peuple, tu as détruit ton pays. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Donc ça dit que Satan sait effectivement quelle est sa fin et il a amené les gens dans la destruction. Et il dit, le Seigneur dit qu'il va détruire la race, il va effacer littéralement le nom de Babylone sur la terre. Donc en réalité, ce qui pose problème, c'est Babylone. On s'attend rien au travers. C'est quoi Babylone? C'est pas une question. C'est là où ça nous introduit justement. C'est quoi Babylone? Pour voir ce que c'est que Babylone, on va rentrer dans la Genèse, voir ce qu'il en est au juste. C'est là où la pensée vient. Allons-y, madame. Baladons-nous. Genèse, chapitre 11. Et il y a une question, attends que j'y pense. Oui. Si Dieu revient sur terre, oui. Détruit, on va dire, enlève tous les méchants, oui. Donc il n'y a plus d'histoire d'enlèvement. Alors. Non, en fait. Il y a plusieurs autres choses. Lorsque la prophétie est donnée, il dit qu'il va réduire la trace des méchants, il va les réduire pour toujours. C'est sous-entendu, on va mettre plusieurs autres choses qui sont censées arriver avant cela. Parce qu'il y aura le jugement, il y a l'enlèvement qui va avoir lieu. Après l'enlèvement, maintenant, il y aura le jugement des méchants, et ainsi de suite. Parce que la Bible déclare que le Seigneur va venir, il va enlever de la terre ce qui lui appartient. Puis on voit encore notre venu, il vient par le souffle de sa bouche, il fera détruire, disparaître le méchant. Là, on ne dit pas les méchants. Là, le méchant, donc, il est spécifiquement parlé ici de Lucifer. Par le souffle de sa bouche, il fera périr le méchant, pas les méchants. Donc, c'est plusieurs événements. Il ne envoie pas les bombes alors que ses enfants sont dans le camp ennemi. Non, il les enlève, il les met d'abord à part, puis il emmène le jugement. Donc, si on suit les Écritures, oui. il ne se peut pas que la planète, hein, la Terre, oui. Devienne le territoire de Satan définitivement. En fait, c'est la pensée de Lucifer. Parce qu'en réalité, comment il veut dire? Si on éteint toute cette lumière ici, il y aura les ténèbres ici. Mm. Lorsqu'on dit Genèse chapitre 1, la Bible déclare que les ténèbres étaient sur la terre. Je ne sais pas si c'est possible qu'il parle de ça. Oui. Tu as lu ça, n'est-ce pas? Oui, j'ai lu ça. Ok. Oui. Comment Dieu crée la terre, les cieux, et puis il y a les ténèbres. Parce que c'est ça qui m'a choqué. C'est voilà. Qu'il y avait ce mot. Les ténèbres. Les ténèbres. Voilà. Avant qu'il a dit maintenant que la lumière soit. Donc avant, Satan a d'abord régné. Il y a eu son règne sur la terre, sur le cosmos. Et on dit qu'il y avait du désordre. Donc le règne des ténèbres, c'est le règne du désordre. Donc, Antoine Béfond est prophétisé sur la terre le règne du désordre et que le Messie viendrait mettre fin. Depuis le Genèse, depuis la Genèse. Parce que c'est Christ qui est la lumière du monde. Et maintenant, dans le livre de Genèse, dans le livre de Matthieu, il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévère jusqu'à la peur sera sauvé. Priez que votre fruit ne soit pas ni un jour de sabbat, ni à un hiver, car c'est quand il a parlé aux Juifs. Donc, quand les enfants du Seigneur seront enlevés de la terre, il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Quand ils seront enlevés, pas physiquement, de façon spirituelle, c'est comme s'il y aura une grande lumière qui est éteinte sur la terre. Supposons que nous étions dans la lumière, un blackout total via l'obscurité. Alors ça, les ténèbres vont vraiment, vraiment se réveiller sur la terre. Et en fait, ce qu'on vient de lire dans le livre de Genèse, Esaïe 14, va littéralement s'accomplir. Les gens vont la puisque Apocalypse chapitre 13 nous dit, tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie, adoreront. Donc finalement, la soif de Lucifer qui est dans son cœur, c'est le fait que les hommes l'adorent comme Dieu. Ça va s'accomplir. Et c'est sur cette pensée dont là qu'est basé le nouvel ordre mondial. Parce que le nouvel ordre mondial consiste en réunir les politiques en une politique, à réunir les États en un État, oui. À réunir les religions en une religion. Oui. Oui. Alors maintenant, si c'est une religion, si c'est une armée, on devrait se poser la question, une armée de la terre est censée combattre qui? C'est une question. Si c'est une religion censée donner l'adoration à un être, Dieu ne veut pas de religion sur la terre. Vous voyez? Alors, si c'est un gouvernement, il doit avoir un gouverneur qui coiffe tout. Donc, il veut que toute force humaine, toute énergie soit concentrée à lui et sur lui seulement. C'est ce qu'il a dit là-bas. J'aurais souhaité également entrer dans Esaïe pour prendre étape après étape ce qu'il parle de étoile du matin, les fils de l'extracteur de Septentrion et autres là-bas, être semblable à Dieu. Allons dans la pensée de Genèse, qui est Babylon. Genèse chapitre 11, ou bien chapitre 10 d'abord. On va lire le chapitre 10, nous tirer quelque chose là-bas, puis aller au chapitre 11 de Genèse. Donc ce nom, depuis le... Hormis l'histoire physique. Ah mon Dieu, c'est terrible. Hein? Est-ce qu'on va s'en sortir avec la prédication sinon? Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, verset 1 et suivant. Voici la postérité déjà faite. Donc, ce Genèse chapitre 10 fait état de. Au chapitre 6, on parle des fils de Dieu qui sont alliés aux filles des hommes. Et puis le mal est entré sur la terre. Puis Dieu va se repentir dans Genèse chapitre 6, verset 7, de ce qu'il avait fait. Il a pris la résolution de détruire tout sur la terre. Et là, il va prendre Noé. Du chapitre 6, verset 7 jusqu'au chapitre 9, donc, on va avoir l'histoire du déluge. Après donc ça, il y a la sortie du déluge. Maintenant, ça se trouve dans une autre génération qui vont venir sur la terre. Nous nous trouvons là-bas. À partir de là, on va commencer à suivre la trace de Babylon. L'esprit qui est derrière, le plan que Dieu va nous révéler. Donc, lorsqu'on va prendre ici, on va prendre ces fils, on va les suivre dans la Bible jusqu'à sortir dans la Genèse. Avec ça, lorsqu'on se retourne dans le monde, on doit faire attention. Parce que le plan est tout tracé ici. L'une des choses, c'est dès le départ, c'est les pensées de révolution. Comme Thomas Sankara le disait dans une essai tribunée aux Nations Unies. Quand il fait des discours, des déclarations, comment il y aura des panafricanistes, on voit un sursaut de panafricanistes, surtout qui veulent réveiller l'Afrique. Or, on a fait tuer Thomas Sankara, Kwame Nkrumah et autres là-bas, tous les autres panafricanistes, mais on remarque qu'on n'a pas tué la pensée. Donc, quand une pensée est inspirée, et manifester dans l'opinion publique. Vous pouvez tuer la personne qui a cette pensée. La pensée va développer. Parce que c'est un esprit qui porte la pensée. Un de ces jours va sortir, on les appelle les leaders ou les leaders d'opinion. Ceux-là qui portent haut et fort, ils ont cette aura qui porte. On voit des jeunes comme Kemi Seba, ainsi de suite sur Internet, qui commencent à parler et des jeunes commencent à se rallier à sa cause. Ils deviennent influents. On voit effectivement qu'ils sont onctionnés par les mêmes onctions que les gens du passé. Donc, une pensée, quand c'est dirigé vers l'être humain, juste c'est manifesté sur la terre, cette pensée-là, qu'on le veut ou pas, que ce soit le bon, que ce soit le mauvais, ça finit par s'accomplir. Et ce principe qui est dans la Genèse. Comme Dieu a dit, créons l'homme et que l'homme se multiplie sur la terre. Quelque chose qui va arriver, ils vont se multiplier. Comme Satan a dit, je vais régner sur la terre, comme il a décidé, il va le faire. Mais après cela, maintenant, il y aura une destruction totale. Chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il y en a qui des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent, je prends exprès ici pour qu'on voit les ramifications, comment les descendants, comment ils ont commencé à se multiplier sur la terre. Verset 3, les fils de Gomer, Askenak, Riphat et Togama. Les fils de Javan, oui, Javan, là c'est la Grèce. La Grèce. Les fils de Javan, Elisha, Tassis, Kittim et Dodanim. Verset 5, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Verset 6, les fils de Cam furent Cush, Mishraïm, ce qu'on appelle Égypte maintenant, Pout, l'Éthiopie au nord, et Canaan dans le pays des Juifs. Les fils de Cush, celui qui nous intéresse, c'est la question qu'on va suivre jusqu'à ce qu'on va trouver dans le, à partir du verset 7 maintenant. Les fils de Cush sont Saba, Avila, Sapta, Raima et Sapteka. Les fils de Raima, Seba et Dedan. Maintenant, 8. Cush engendra aussi. Subitement, on commence à préciser parce que, vous voyez, c'est comme ça le fil. Si je suis dans l'obscurité, je prends un fil, je peux essayer de démêler pour voir là où ça m'entraîne. Ici, ça m'intéresse parce que c'est le fil qui m'intéresse. Vous voyez? Et on commence à tracer la généalogie sur le plan humain. Après, on prend un monsieur Cush. On commence à l'orienter, à orienter. Le Saint-Esprit dit, suivez ce monsieur, suivez ce qu'il en dit. On dit, verset 8, Cush engendra aussi Nimrod. Puis on dit, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il soit puissant sur la terre. Ça, c'est déjà contre la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il soit puissant. Donc, après le déluge, on commence à voir que ces sursauts encore d'orgueil commencent à naître. Les géants qui dominaient sur la terre commencent à naître. Il dit, et il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Donc, chaque fois qu'il fait la chasse, sa puissance est comparée parce qu'il a dû vouloir se vanter devant le Seigneur par quoi sa puissance. Et nous nous retrouvons en plein dans Matthieu chapitre 4. Parce que quelqu'un vient dire que cette puissance, il était là devant le Seigneur. Verset 10, on dit qu'il est chasseur. Subitement, en verset 10, on dit qu'il régna. Bon, comme il était puissant, il a dû régner. Donc, ça veut dire qu'il avait regroupé le peuple autour de lui et il était le chef. Il régna d'abord sur quoi? Sur Babel. Babel, la porte des dieux. La porte des dieux, celle qui donne l'ouverture au dieu, Babel. Erek, Akkad et Calné, au pays de Chinéa. Voilà encore notre pays à suivre, le pays de Chinéa. Maintenant, verset 11. De ce pays-là sortit Assur. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Hi, Calak et Rezin, entre Ninive et Calak. Puis on précise, c'est la grande ville. Maintenant, on a dit Assur. Là-bas, il bâtit. Il sortit, de cette ville-là, il sortit Assur. Je crois que je vais de façon compliquée. Tout à l'heure, on est arrivé dans Ésaïe chapitre 14. Lorsqu'on a lu, on s'est arrêté. Il dit que par la suite, on va voir l'Assyrie. On va voir ce que l'Assyrie va faire en lisant Zacharie et là-bas, ce qui est prévu qu'il vienne faire chez les Juifs dans le nouveau ordre mondial. Donc, alors, il y a un monsieur qu'on appelle Nimrod qui a régné sur Babel. Donc, le premier roi sur la terre s'appelle Nimrod. Dans la mythologie grecque, donc, il prend une femme qu'on appelle Sémiramis. Et c'est lui qui est donc le premier antitype de Christ qui est censé naître parce qu'il est mort. On dit qu'il régnait encore en enfant. Donc, la mythologie, comme on voit les écritures portées main à enfant, c'est lui dont on parle, la représentation de Nimrod et sa maman Sémiramis. Donc, le voici. On dit qu'il commence à régner sur Babel, la porte des dieux. Maintenant, chapitre 11, maintenant. Chapitre 11. Oui. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Oui. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa. Oui. Et ils y habitèrent. Oui. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Oui. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dans le sommet touche au ciel. Oui. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Arrêtons d'abord là-bas. Nous voyons ici donc la réunion. Ah. Nous voyons donc d'abord ici la réunion qui est totalement contre la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est aller disperser sur toute la terre. Et ici, manifestement, ces gens-ci sont inspirés par un esprit qui les fait plutôt se rassembler dans un bloc et ils disent clairement afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Pour commencer à voir la chose là, c'est vrai que voici Dieu. Dieu veut qu'on se repente sur toute la terre. Cette pensée-ci refuse cette volonté. Parce que Dieu veut qu'on soit une diversité. Alors, celui-ci veut qu'on soit dans un bloc comme ça, parce que quand ils sont dans un bloc, on peut facilement contrôler les gens qui sont dans une cible. Lorsque les militaires vont en guerre, lorsqu'on prend les terroristes, on les disperse un peu, on les met dans un camp, sachant qu'on peut cibler tout le monde, on peut facilement les surveiller là-bas. Donc ici, ils disent que c'est une volonté manifeste de désobéir à Dieu ici. Alors, petit à petit, vous ne verrez nulle part, ça c'est la Genèse. Depuis la Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 50, vous ne verrez nulle part la trace de Satan. Parce que Satan n'est pas révélé dans les Écritures jusqu'à ce qu'on voit dans Job que Satan s'est présenté, on dit clairement que Satan. Avant ça, on ne le voit pas, mais on voit qu'en toi, le fond, se trouve un esprit. Dieu va doucement, comme s'il ne fait pas cas de lui. Oh, jusqu'à ce que dans le Nouveau Testament, on voit démon, alors que dans l'Ancien Testament, il n'y en a même tout, nulle part. Au point où on vient dire dans le Nouveau Testament qu'il se trouve dans des corps humains. Dans l'Ancien Testament, on n'en trouve pas. Alors, voici une pensée, ils se disent l'un à l'autre. Alors, faisons cuire des bretons. Donc, nous voyons la recherche scientifique, le développement a commencé là-bas. Ils sont allés au point où aujourd'hui, de façon moderne, ils replient la même chose en tentant Dieu avec des mots tels que « gratte-ciel ». Ils ont donné des expressions terribles et horribles à ces studios-là pour challenger Dieu. Il dit que nous avons le plus haut gratte-ciel. C'est terrible. Quand je lis les prophéties, c'est qu'il a dit à Naoum, Sophonie et autres là-bas, je dis, comment, il dit qu'il va détruire les tours, qu'il fait leur orgueil. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques villes pays hein, oui. qui aime dire oh, on a fait la plus grande tour. La plus grande tour, la tour 101, peut-être à Singapour, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ils appellent ça gratte-ciel. Gratte-ciel. C'est pour toquer. Qu'est-ce que tu fais là en haut? Alors maintenant, regardons dans ce verset 4. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville. Tu as vu cela? Ce n'est pas normal que sur la terre, il y ait une ville. Il dit, nous sommes au verset 4 là. C'est ça. Voilà, il dit, allons, bâtissons-nous une ville. Une ville. Pourtant, il est censé avoir des villes. Et ça se trouve en plein au pays de Shinéar. Mais c'est où ça? C'est où ça? C'est à Babylone. À Babel, dans la zone d'Irak. C'est là-bas où ça se trouve. Au pays de Shinéar. Suivant cela, il dit « Et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. » Donc, on commence à voir qu'au fur et à mesure, c'est la gloire, oui. Cet endroit, oui. C'est en Irak. Oui. Et comment on peut le savoir? Comment on peut le savoir là? Il faut encore rentrer au chapitre 1 encore. Ok, non, au chapitre, on peut mais, encore. Mais je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi les Occidentaux, oui. Pour ne pas dire les Américains, parce que oui. C'est eux surtout, oui. Veulent avoir la main sur l'Irak. Oui. En fait, si tu lis Genèse chapitre 1 avec la tracée, la position de tout, on dit que c'est des trolls, mais non. Mais c'est pas ça. Les conquêtes sur Mars, dans les espaces, ce n'est pas pour les effets scientifiques tels qu'ils présentent. Il faut qu'ils présentent toujours des choses que les gens vont être. Ce sera compréhensible sur le langage humain. On va toucher un de ces jours ici au Maroc, le grand mensonge du siècle. On va voir ça dans la Bible. C'est dans la Bible. Quand j'ai lu ça dans la Bible, j'étais étonné. Quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, c'est à Abidjan qui m'a parlé de cela. J'ai dit, est-ce que c'est la nourriture pour Abidjan? Il a dit non, ils ne supporteront pas. Donc je vais parler de cela. Il arrive. Alors, verset 4 dit, il dit, allons, bâtissons-nous une ville. Nous commençons à voir le but qui est dans le derrière. Jusqu'ici, on ne parle pas de Satan. On ne parle pas de Lucifer, mais il y a un esprit derrière. Parce que toute pensée qui se lève contre la pensée de Dieu vient de Lucifer. Parce que nous voyons manifestement qu'au chapitre 1, attends, allons au chapitre 1, regardons, chapitre 1. Regardons, verset 27. Et suivant, regardez, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 27. Vous y êtes, n'est-ce pas? Oui. Voilà, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meurent sur la terre. Donc Dieu dit clairement qu'on remplit la terre. Voilà l'ordre qui est donné. Dieu dit qu'on remplisse la terre. Ça veut dire qu'on doit se disperser partout sur la terre. Cette pensée, si au chapitre 11, dit, verset 4, il dit encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que, c'est-à-dire pour empêcher. Nous ne soyons pas dispersés. Nous ne soyons pas dispersés. Donc, dès la Genèse, on va comprendre qu'il y a deux conflits. Ça, c'est j'arrive, je vais doucement maintenant pour tomber en France parce qu'on va toucher la France là maintenant. Maintenant, pensée de Dieu. Soyez partout sur la terre. Pensée de l'homme, entre guillemets, homme, entre guillemets. Homme, entre guillemets, restons en un endroit. Ne faisons pas ce que Dieu a dit. Et comme ça, nous aurons notre domination en nous. Nous aurons notre nom, notre autorité. Nous serons autonomes. Notre propre nom. Parce que ton nom t'identifie. Quand on dit la France a ses attributs. Quand on voit bleu, le coq français, on sait ça, le coq. Il y a les emblèmes qui identifient le pays. Donc quand ils vont vous donner un nom, un emblème, ça les identifie qu'ils sont un peuple qui ne veulent pas qu'on domine sur eux. Un peuple entier dans la liberté. Fraternité, c'est donc ça le principe de la franc-maçonnerie, les bâtisseurs. Donc, l'esprit des francs-maçons a commencé depuis la Genèse. Maintenant, ce n'est pas encore terminé. L'Union européenne, le Parlement de l'Union européenne, c'est situé où? En Belgique. Voilà. Maintenant, vous appelez ce quoi? Le tour, c'est à Strasbourg, n'est-ce pas? Le Parlement européen, c'est à Strasbourg. Strasbourg. À Strasbourg, c'est amusant. Je ne sais pas si vous avez le net là-bas. Essayez de taper Parlement européen. Tu tapes, tu cliques sur Google, à Parlement européen, tu cliques sur l'image. Ça sera amusant. Maintenant, on va voir quelque chose. Sur Google, tu tapes Parlement européen ou Strasbourg. Et puis tu cliques plutôt sur l'image à la recherche. On va voir, je veux qu'on voit ensemble l'image pour que vous voyez qu'ils ne sont pas dupes. On va s'arrêter d'abord sur ce verset, sur ce qu'on voit cette image. Vous êtes allé à Abidjan? Oui. Jamais vous êtes allé en Côte d'Ivoire. Avec votre femme, là, vous avez vu tous les ponts qu'ils ont fait? Oui, oui, les nouveaux ponts. Oui, les nouveaux ponts. Oui. J'ai jamais pris le temps. Tu as vu? Voilà. Merci, frère, que Dieu te bénisse. Je crois que tu dois te poser. Tu vois l'image de gauche. Voilà le Parlement européen. Il clique sur cette image-là, l'une des images-là. Laquelle? Là où il y a le drapeau, là. Celui-là? Oui. Voilà. Je crois qu'on peut agrandir plus que cela. Voilà. Voilà. Et voilà le projet Eurodéfi au Parlement européen. Ça, c'est lundi 28 mai 2013. Bon, voilà l'image du Parlement européen. Ce sera... avant, ayant vu cela, il veut que... C'est bon, là, n'est-ce pas? Voilà dans l'image. Vous avez vu cela. Maintenant, ouvre notre page. Vous tapez « Maquette ». Ou bien, tape un peu, je sais que ça vient comme ça, tape Babylone, Parlement européen. Parce qu'en réalité, cette tour-ci est construite avec l'image du tour de Babel. Parce qu'ils ont fait ça inachevé pour montrer que la tour qui a été détruite, il y a les débris qui ont resté. Pour une fois de plus, défier Dieu. Ah oui? Ouais. Ils ont fait ça exprès. Après, sincèrement, j'ai jamais cherché à savoir à quoi ressemblait. Vous allez voir que la caricature des tours de Babel, c'est donc un peu comme quand Dieu a détruit la tour de Babel, c'est comme il y a un tremblement de terre, il y a des débris qui sont restés. Oui, c'est comme un escalier en pays. Voilà. Et donc, ils ont fait ça exprès, non achevé, pour montrer que ce que Dieu a détruit dans la Genèse, ils sont en train de construire au travers de l'Union européenne. Parce que j'ai posé la question, c'est quoi Babylone? Il faut que j'explique. Tu vas voir deux images. Voilà. Dieu merci, les voilà. Vous voyez? Donc, ressemble-t-il à la tour de Babel? Est-ce un complot maçonnique? Donc, voilà l'image de la tour de Babel, voilà l'image de la tour européenne. Et donc là, donc, de façon évidente, ils ont fait la tour de Babel en fonction de cela. Donc, la maquette qu'on a présentée pour pouvoir prendre cette image-là, pour construire cette tour-ci, ils ont fait ça de façon exprès à la tour de Babel. Et là, les citations, ici, comment citer les citations? Ils disent tour de Babel. Un peuple, vous avez dit, un peuple, un seul tour, ici, un seul tour, plusieurs peuples. Ah, c'est terrible, à tout le Babel, on dit, ici au chapitre 11, on dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Vous voyez? Maintenant, le problème, c'est que sur la terre, maintenant, on est de multiples langues. Seulement en Europe, il y a plusieurs langues. Donc, toute la terre, une tour. Ils ont été dispersés. Maintenant, une seule tour, plusieurs langues. On ne peut plus être dispersé. Donc, l'Union européenne, c'est un défi majeur contre le Seigneur. L'Union européenne. On va voir ça dans la Genèse, dans l'Apocalypse, on va le tracer. Donc, les gens sont en plein dans le satanisme. On s'attend à ce que le satanisme soit seulement là où il y a le sacrifice humain. Mais il y a des projets, parce que c'est à l'intérieur qu'ils seront votés les lois. C'est à l'intérieur qu'on va voter les lois sur les gens, les théories des gens. L'égalité homme et femme. Pourtant, la Bible dit clairement que l'homme est le chef de la femme. Le simple fait de dire l'homme est le chef de la femme, c'est de dire Dieu a placé des principes de gouvernance sur la terre. Des hiérarchies sur la terre. Lorsqu'on dit l'homme est le chef de la femme, ça suppose donc que personne ne doit plus commander personne. Et en fait, si on lit dans le livre d'Anto la vie, c'est l'une des principales choses qui brise les lois de Dieu. Parce qu'en fait, la loi première de la Bible de Satan, c'est « Do what thou will ». Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Donc, il n'y a plus de restrictions. Il n'y a aucune restriction des lois. Donc, ça veut dire que chaque être humain est né libre. Il est censé agir en toute liberté sans qu'aucune loi le contraigne. Donc, le peuple de Satan, c'est un peuple anarchique. Parce qu'il n'y a pas de gouvernance sans loi. Alors, il veut laisser tout le monde faire que les gens soient libres. C'est pour ça que vous allez voir dans tous les milieux dites des critiques, ils vont pouvoir dire pourquoi Dieu doit interdire. Il n'y a pas un Dieu. Ils évacuent d'abord le Dieu de leur esprit. Parce qu'ils savent que s'ils acceptent Dieu, ils vont accepter la morale et les droits et les lois qu'il a mis. En évacuant Dieu de leur pensée, ça leur donne libre cours de ne pas agir selon ses lois. Parce que dès qu'on agit, on enlève Dieu. On n'a plus intérêt ou bien aucune injonction à être soumis à une quelconque divinité qui se trouve. Donc, il fait de sa vie ce qu'il veut. C'est exactement ce que Anto l'avait dit dans la Bible de Satan. Donc, ça veut dire que chaque personne, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de connaissance de bien et de mal, rien. Voilà l'anarchie qui vient d'arriver. Donc, ici, donc, se trouve le Parlement européen où ces choses sont exprimées et votées sur la terre, promulguées pour lui imposer. Et c'est derrière ces gouvernants que les pays africains vont demander des subventions aux autorités de cette union-là. Qu'est-ce qui se passe? Eux, en donnant des subventions, donnent les directives. Comment on va gérer ces fonds-là? Les choses qu'il faut mettre en place, les mécanismes qu'il faut mettre en place pour accompagner les fonds qu'ils vont donner. Et par conséquent, ils les donnent leurs lois qu'ils sont en train de voter. Petit à petit, on va aussi faire un parlement africain à l'image du parlement européen. Et petit à petit, on va faire dans ce parlement mondial. Donc, Antoine défonce tout cela. Mais où est-ce que ça commence? La sémence commence dans ces Genèse. Au fur et à mesure, on va vérifier comme ça. Dieu merci pour ces images. On peut avancer? Nous sommes dans Genèse chapitre 11. Oui, chapitre 11. Je vais lire le 4. Verset 5 maintenant. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Oui. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Écoutez bien, à partir du verset 6. Et ont tous une même langue. Oui. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Oui. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, Dieu dit clairement que lorsque les hommes. Ça, c'est. Voilà la pensée de la tour de Babel. Quand les hommes auront projeté sur la terre d'être un seul peuple. Donc, les barrières de langue seront brisées. Les barrières territoriales seront brisées. À cet endroit-là, rien ne les empêchera. C'est écrit dans la Genèse. Avançons. Verset 7. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Mmh. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Mmh. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Mmh. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, oui. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc, voici la prospérité. Non, c'est bon. Donc, on les a dispersés sur toute la face de la terre. Mmh. Mais qu'en est-il de leur projet? Lorsqu'on chasse les musulmans, quand on va en Iran, on chasse les groupes d'État islamiques, c'est n'importe où, ils développent encore le même projet. Ils forment encore les... Nous y voici. Rentrons encore une fois de plus au chapitre 10. Le verset 10 dit, le monsieur dont on parlait, on l'appelait Nimrod. Et Nimrod, le nom Nimrod veut dire quoi? Nimrod, ça veut dire quoi, mon frère? Le nom de... Son nom. Est-ce que tu connais son nom? Nimrod. Oui. j'ai oublié. Voilà. Verset 10 dit, il régna d'abord sur Babel. Donc il régna, étant puissant, il a accumulé autour de lui les gens pour pouvoir dominer sur eux. Celui qui a la puissance sur la terre. Et Dieu, c'est le premier à être puissant sur la terre. Qui? Nimrod. C'est ce qu'on écrit ici. Verset 9, il dit, il fut un gaillard, voyant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, voyant chasseur. Non, c'est au verset 8. On dit, Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mais qui commença à être puissant sur la terre. Oui. Une fois que Dieu redisperse tout le monde, oui. Ou bien avant que... Non, ça, nous sommes arrivés au chapitre 10. Donc, voici, il y a des méchants sur la terre. Au Genèse, chapitre 6 et 7. Dieu envoie le délire, il nettoie tout le monde. Subitement, on voit quelqu'un qui s'élève encore. Une puissance peut-être commence à dominer. Quand il parle, les gens exécutent. Il parle, les gens commencent à se soumettre, à avoir la peur. Nimrod, donc, c'est le premier type de l'antichrist. Le rebelle. En fait, c'est ce que son nom signifie. Nimrod. Alors, il dit ici, verset 10, il régna d'abord sur Babel. Et on voit au verset 9, maintenant, chapitre 10. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, la porte de la confusion, la porte des dieux. Maintenant, donc, dans le cœur des hommes, je mets une fois, plus chaque fois c'est homme ici, parce que je vais parler en termes de la Genèse. En termes de la Genèse, se trouve en toile de fond là-bas l'esprit de Lucifer qui veut que les hommes le servent. Donc je mets homme ici, entre guillemets. Donc en toile de fond se trouve dans la pensée de l'homme, entre guillemets, le projet. Un projet qu'ils doivent entreprendre. Parce qu'on a dit là, quand ils vont entreprendre ça, rien ne les empêchera. Et c'est à juste titre que Sarkozy, quand il était président, il a dit que ce nouveau ordre mondial, ce sera avec ou sans vous, et rien n'empêchera. Et on voit donc en 1990, lorsque George Wakabush père avait commencé le processus de, vous appelez, la guerre en Irak, la guerre du Golfe, il a dit qu'on commence à comprendre que l'humanité a besoin d'un nouvel ordre mondial. De façon ouverte, il fut le premier à venir dévoiler cela. Et on commence à comprendre vraiment à l'heure où nous trouvons que l'humanité a besoin d'un nouveau ordre mondial. Le pape Jean-Paul II va en lui emboîter le pas à la tribune des Nations Unies pour le dire et déclarer que nous nous trouvons là vraiment dans la nécessité de faire un nouveau ordre mondial. Au fur et à mesure, oui, ces voix vont commencer à faire nouveau ordre mondial. C'est même déjà un thème biblique. Ça se trouve dans la Bible, nouveau ordre mondial. Ça se trouve dans la Bible. Nouveau ordre, c'est quoi? Alors, nous voyons que derrière se trouve l'esprit des francs-maçons, ce qu'ils appellent les bâtisseurs. Ça n'a rien à voir avec la philosophie qui présente que c'est un cercle de réflexion philosophique. Ça n'a rien à voir. Ils disent que ce sont les bâtisseurs. Et en fait, ceux qui comprennent le langage comprennent exactement que c'est cet esprit-ci. Ils veulent construire. Parce que là où se trouve le pouvoir, là se trouve les francs-maçons. Là se trouve le pouvoir. En prenant l'égalité, fraternité, ainsi de suite, la France, c'est en clair les pensées maçonniques. C'est la pensée maçonnique. Donc, nous voyons donc que les hommes ont décidé de faire une réunion mondiale pour pouvoir. Quand ils ont le projet de leur tour, c'est que le but, c'est de toucher le ciel. La question, c'est ils cherchent quoi au ciel. Ça veut dire que l'objectif, c'est d'aller renverser celui qui gouverne à partir du ciel. Et la Bible déclare, on a lu dans Ésaïe 14 là, que tu vas tomber du ciel, astre brillant, fils de roi. Tu disais en ton cœur, je serai semblable au Dieu très haut, ainsi de suite, mais tu as été précipité. Alors, le projet, c'est faire construire l'homme pour défier Dieu. Et derrière le langage, il dit, afin que nous ne soyons pas dispersés. Il ne veut pas vivre comme Dieu veut, mais il veut vivre à la manière des dieux. C'est-à-dire avoir la même gloire que Dieu a eu. Donc, en clair, voilà donc, en toile de fond, la pensée luciférienne. La pensée luciférienne, c'est faire détourner toute l'attention de l'homme à ce que l'homme puisse l'adorer. Et on va finir par l'adorer dans un groupement qu'on appelle le nouveau ordre mondial, ou mieux encore, Babel. La tour de Babel sera mise en place sur la terre. Donc la tour de Babel, ou mieux encore avec le langage moderne, nouveau ordre mondial, c'est vice versa, ça vers vice. On peut avancer maintenant. Ésaïe. Ésaïe chapitre 14, encore. Je crois qu'il va abréger alors parce que je ne suis pas encore sorti là. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. On a lu ça aujourd'hui. On s'est arrêté au verset 23 où il a dit qu'il va détruire les descendants de Babylone. C'est là où j'ai parlé. J'ai dit qu'est-ce que c'est que Babylone? On est à la Chinéenne. Voilà. Maintenant, verset 24. et 27, 24 à 27. 24 à 27. L'Éternel des armées m'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leur épaule. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Là, il faut comprendre la prophétie qui nous dit. Nous voyons un problème ici en clair. Dieu parle finalement d'un certain groupe ou bien d'un certain esprit qu'on appelle la Syrie. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, c'est ce que j'ai décidé arrivera. Donc, j'ai dit dès le départ que c'est Dieu qui parle. Oui. Il y a des gens qui arrivent sur la terre, parce que dans le livre de Lamentation, je peux le trouver, la Bible déclare qu'arrive-t-il quelque chose de mal sur la terre sans que l'Éternel l'ait ordonné. Sinon, les assassinats en masse, tout ce qui arrive, les catastrophes là, c'est la volonté de Dieu que ça arrive. Alors, on va voir ça là dans le livre de Genèse tout à l'heure, là, dans le livre d'Apocalypse. Ça arrive pour donner des corrections aux uns et puis donner la sonnette d'alarme à ses enfants que rectifiez-vous rapidement. Il dit, je briserai la Syrie dans mon pays. Ça commence à poser des problèmes. C'est ici qu'on va trouver encore maintenant. Nous allons voir la branche armée donc du nouveau ordre mondial. On va voir cela maintenant. Nous sommes au verset 25. J'ai lu le verset 25. Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son, oui. Et son joug sera ôté. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Ah, alors maintenant, voilà le verset, voilà le mot. Comment subitement Dieu parle de la Syrie? Puis il dit, il va le faire briser, il dit, sur toute la terre. Là, je briserai l'Assyrien. L'Assyrien, c'est... C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, on fait une pause ici. Quand on lisait Genèse tout à l'heure, il a dit qu'il y avait un monsieur qu'on appelait Assur, celui qui a bâti Assur. Oui. Ici, on parle de l'Assyrien. Subitement, on commence à dire, l'Assyrien est censé faire quelque chose dans son pays. Oui. Et il dit que c'est là, il va le briser, il va le fouler au pied. Et subitement, il va dire, c'est la raison sur toute la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut maintenant comprendre. On va aller doucement maintenant. Les enfants, on peut continuer? On est parti. Ok. Maintenant, pour comprendre cela, on va aller dans deux autres passages pour voir ce que les pères, les prophètes ont dit. Ne formons pas ici. Et donc, même si on ferme, là, on met quelque chose pour bloquer dans le livre d'Ésaïe. On va aller quelque part. Alors, dans le livre de Sophonie, prophète Sophonie. Sophonie. Après ça, je vais commencer à parler dans l'autre livre là. Il y a ça dans Michée partout. Les prophètes en ont parlé. Ils ont vu ça de loin. Ils ont tremblé. Ces jours, les jours dangereux sont sur le monde. Nouvel ordre mondial. Vous y êtes. Sophonie tellement petit là. Sophonie. Oui, c'est après Habakkuk. Hein. Après qui? Habakkuk. Bon, c'est Habakkuk aussi qui n'est pas facile. Habakkuk. Oui. Et j'ai pas l'habitude de ces passages-là. Oui, c'est vrai. Vous lisez la Bible et puis vous voyez là, c'est terrible. Vous ouvrez Michée, Jérémie, Osée, Michée, Jonas, ainsi de suite. Après, Amos, il est en sophonie. Maintenant, je vais dire quelque chose. Vous ouvrez la Bible comme ça. Vous regardez et puis le Saint-Esprit vous transporte dans le monde, vous voyez des choses, vous dites, c'est terrible. Comment un prophète a pu rester longtemps? Et regardez ce connu. Depuis longtemps, il voit exactement ce qui va arriver sur la terre. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Maintenant, quand c'est écrit là, si tu lis et que cet esprit ne vient pas sur toi, tu vas beau lire, tu vas vous lire, bailler et quitter. Tu vas lire et bailler, tu vas dire, de quoi est-ce qu'il raconte ici? Mais maintenant, nous sommes parlé de l'autre monde. Quand nous allons lire, ça sera clair maintenant. Sophonie, allons-y au chapitre 3. Chapitre 3. Oui. Verset 1. Nous avons le chapitre 3 de Sophonie là, n'est-ce pas? Ah oui. Maintenant, allons-y. Il veut lire à partir du verset 1. D'accord? Mm-hmm. À partir du verset 1 de chapitre 3 de Sophonie. Malheur à la ville. Gardons en toile de fond que nous avons laissé Ésaïe 14, verset 24 à 27. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point d'égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Verset 6. J'ai exterminé des nations. Leurs tours sont détruites. Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues. Plus de passants. Leurs villes sont ravagées subitement. Le prophète commence à parler. J'aurais souhaité vraiment avoir vraiment le temps pour ces choses-ci. Bon, continuez jusqu'à tout le nouveau monde, parce que vous allez voir ça clair là-dedans maintenant. Il dit, verset 6, j'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruits, j'ai dévasté leurs rues, plus de passants, leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, vous voyez que la destruction est un signe de correction pour les uns. Ta demeure ne sera pas détruite. Tous les châtiments dont j'étais menacé n'arriveraient pas. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel. Regardez. Au jour où je me lèverai pour le butin. Car j'ai résolu, souvenez-vous de la raison qu'il a prise tout à l'heure. On va regarder, c'est pour ça qu'on va prendre cela. Car j'ai résolu de rassembler. Des nations. Des nations. De rassembler les royaumes. Vous avez vu ça, frère? Des nations, de rassembler des nations, de rassembler des royaumes. Ce qui est une chose anormale depuis la marche de l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit, si on lit le livre des Juifs, c'est ce qu'il y a maintenant, Daniel chapitre 2, on voit que Daniel va rêver d'un certain statut, c'est un statuaire. Et on voit que la statue a un problème. Il y a des dislocations sur le statuaire depuis la tête jusqu'aux pieds. Et l'ange donne l'interpellation à Daniel en disant que ce que tu as vu là, c'est les royaumes qui vont se succéder sur la terre. Et il y a une particularité sur le quatrième royaume, parce que normalement, il y a cinq royaumes dans le plan des dieux. Premier royaume, c'est le royaume de Nebuchadnezzar. Après vient le royaume de Médo-Perse. Après vient le royaume des Grecs. Après vient le royaume romain. Donc, c'était la succession. Après que la Babylone a régné, c'était le tour de Médo-Perse. Donc, un temps, il y avait cette dualité. Soit le Perse régnait, soit le Mède régnait. Après cela, c'est passé à Alexandre le Grand, qui est venu détruire. Et puis, après ça, est passé au royaume romain. Donc, nous le trouvons au quatrième royaume. Et c'est le quatrième royaume qui est le plus dangereux. Parce que la Bible déclare que le quatrième royaume devrait se mélanger par des alliances durant le quatrième royaume. Donc, dans le quatrième royaume, on commence à voir que les alliances des royaumes commencent à se faire. C'est donc le traité, ce qu'on appelle l'OTAN, de ce côté-ci, c'était en pôle, en pôle. On voit que le roi du Nord, la Russie, a derrière un bloc. Ça veut dire que si la guerre se place sur la terre, ce sera la guerre des royaumes. Tu attaques un partenaire, tous les autres sont contre toi. Tu attaques celui-ci, tous sont contre toi. La France n'est pas allée en Libye seule. Il faut qu'il parte avec une résolution de l'ONU pour que tout soit derrière lui. Parce que ce n'est pas la France qui a attaqué, c'est tout un royaume. Donc maintenant, si les grandes puissances commencent à se détruire, maintenant, ça sera terrible. Donc la troisième guerre mondiale est prophétisée dans la Bible, dans la guerre nucléaire, dans la Bible. On va lire ça tout à l'heure, là, maintenant. Alors, si les États-Unis s'élèvent, il y a les États-Unis et ses alliés. Quand il parle, il dit que nous et nos alliés. Ah, c'est terrible. Alors maintenant, regardez ce que le Seigneur dit ici. Il dit, verset 8 encore, « Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin. » Donc, nous voyons aussi dans les prophéties qu'il y a un jour où Dieu s'est fixé, où il va faire quelque chose. On va rentrer encore dans Esaïe. Il dit, quand j'ai résolu de rassembler les nations. Comment Dieu va rassembler les nations? Et ça, c'est quand même terrible pour le peuple de la terre. Parce que normalement, dans les Écritures, on voit seulement comment Israël est dispersé, il les rassemble. Israël est dispersé, il les rassemble comme son troupeau. Comme un troupeau qui est dispersé, il rassemble. Mais subitement, il prophétise sur les nations qui va les rassembler. Comment au monde Dieu va rassembler les nations? Parce que pour lui, il y a le peuple juif, puis le reste des nations. Comment donc les nations vont se rassembler? Et Dieu dit qu'il va les rassembler, il va rassembler des royaumes. Puis on dit, il ne les rassemble pas pour qu'ils le servent. C'est ça qui est dangereux. Quand Dieu rassemble les juifs, il rassemble Israël, c'est pour que Israël revienne à la loi. Dieu dit ici, le volet suivant, il dit que je vais les rassembler pour répandre sur eux ma fureur. dans le nouveau ordre mondial, ils sont en train de faire. On va voir maintenant au sorti comment ils vont finir par faire. Et ici, il dit, verset 8 encore, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux, ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Qu'est-ce que le royaume ont fait à Dieu? Attendons seulement que certaines trompettes sonnent. Regardez bien. Car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. C'est pas le feu là qui les attend maintenant. Quand ceci va arriver, nous nous trouvons dans une autre phase de la création. Il dit, après ces choses-là, quand il va répandre, il va purifier par le feu, ce qui va arriver, c'est qu'il va donner des lèvres pures aux hommes, afin qu'on puisse l'invoquer. Ici, il ne s'agit plus d'Israël. Regardons bien. Il dit, alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, au peuple. Il dit, pour le servir d'un commun accord. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie et autres là, vous voyez tous ces jours-là. Maintenant, on a commencé là-haut en disant que ce n'est pas la correction que Dieu va amener ici. Mais la pensée humaine de réunir derrière, on voit que sur la terre, on ne voit pas Dieu faire. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas qu'en faisant ça, ils sont accomplis la volonté de Dieu. Qu'ils sont se rassemblés comme ça pour aller pour la destruction. Alors qu'ils sont persuadés d'aller à l'encontre. Absolument. Ils sont quand Satan court pour aller faire quelque chose, quand vous lisez la Bible, c'est pour ça que dans les enseignements, ils disent souvent que Satan est serviteur de Dieu. Parce que quand tu le lis, tu vois, tu es abasourdi parce qu'il arrive. Donc, c'est Dieu sait qu'il va faire telle chose. Il prépare donc ces choses-là pour sa gloire. Donc, ils sont en train de faire comme ça pour s'opposer à Dieu. Et Dieu en train de vouloir faire comme ça pour les accomplir. Allons dans le livre c'est plein dans la Bible, là-haut, ce qu'on voit le Seigneur. Bon, nous avons gardé Esaïe chapitre 14, n'est-ce pas? Mm-hmm. Allons dans le livre de Zacharie. Donc le nouveau homme mondial est biblique, c'est même divin, du vrai Dieu. Parce qu'il a dit que c'est lui qui va faire ça. Donc le nouveau homme mondial est ordonné par Dieu. Non, parce que moi je me pose plein de questions, notamment, je ne sais pas s'ils en parlent ici au Maroc. Hein. Oui. Ils veulent tous qu'on ait une puce. Oui, RFID. Une puce électronique sur nous, oui, oui. Implantée au niveau dans la main. De la main. Oui. Qui servirait à plein de choses. Oui, oui. Avec toutes les informations. Ils essaient de vendre le truc en disant vous pourrez payer. Oui. C'est-à-dire que ça remplacerait la carte bleue. Bancaire. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis la carte bancaire, pour que déjà l'être humain ait le réflexe de tendre la main. Et maintenant qu'il a le réflexe de tendre la main pour payer quelque chose, ils ont créé, on va dire, le sans contact. Je ne sais pas si ça existe ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la carte bleue, si vous l'avez, toutes les cartes bleues ne l'ont pas encore. Et vous avez des cartes bleues, vous avez et vous posez sur la truc. Et paf, c'est bon, ça enregistre. Après, quelque chose qui m'est apparu dans mon esprit aujourd'hui, quand j'ai pris le bus, parce que je n'ai pas du tout l'habitude de prendre le transport en commun en France, les gens ont leur badge, un genre de badge pour les abonnements. Oui. Quand ils viennent là, ils présentent PAP. Ils présentent PIP. PIP, c'est terminé. C'est bon, terminé. C'est dans le sac. J'ai remarqué c'est là en France, justement. Donc il y a donc cette idée-là de d'implanter une puce. Donc, ils vendent ça comme ça. Mais ça reste quoi pour moi? Pour moi, c'est... on est repéré. On ne peut plus se cacher. Oui. Et si jamais on vient à être un ennemi, parce qu'il nous fiche en fait, on est tous fichés. Oui. Fichés en tant que lui, il existe, oui. Mais on est fichés en tant qu'ennemi à eux. Oui. D'accord ? Tout ce qui combat les idées. C'est-à-dire que si sur Internet, vous faites vos vidéos, vous faites vos prêches et tout, oui. Ils laissent faire, mais ils savent. Ils savent, oula, lui là. Oui. C'est un ennemi. Ennemi. Oui. Et il se dit, mais je ne serais pas étonné, il se dit que parmi, est-ce que c'est déjà en place ou est-ce que c'est prévu d'être en place, je ne sais pas, qu'il y ait des satellites de positionnés. Oui. Et que, en fait, c'est ça leur objectif. Ok, lui c'est bon. Là, Junior. On l'a classé, il faut qu'on le supprime. Oui. Et ben, satellite, comme un laser, oui. Comme il a une puce sur lui, on le grille. Il est désactivé. Il est désactivé. Donc en fait, hormis que, et on dit que cette puce-là, oui. certains serviteurs de Dieu, font référence à la marque de la bête. Oui, ça, ça c'est notre problème. En disant que ce n'est pas bon. Oui. Donc ma question c'est, ok, est-ce que bon, pour nous, oui. pour nos enfants, oui. le jour, parce qu'ils ont, prévu au début, ils disent ceux qui veulent. Oui. Mais on sait qu'un jour, ce ne sera pas ceux qui veulent, oui. ça sera obligation. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Et en plus de cela, oui. ils prévoient, ils veulent donc sortir une loi qui dit qu'à partir de tel moment, on va dire, eh bien, les enfants qui naissent doivent être pucés. Doivent être pucés. Alors maintenant, je crois qu'on va répondre cela dans le deuxième volet où je vais te passer la parole pour qu'on parle de la réglementation. Hein. Ouais, ouais. Pas là, depuis ouais. Un certain temps. Ouais, je crois que ce serait bien que tu prennes la nationalité camerounaise. Ah, oui. Parce qu'en Afrique, avant qu'elle n'existe, s'il y a des zones où il y a l'anarchie, où il n'y a pas encore ces choses, c'est au Cameroun. Là, tu pourras manger du ndolé et des mbongo, tranquillement. Tu vois? Parce que quand on n'est pas encore développé, on ne peut pas encore faire cela. Quitter le Maroc, hein. Faut retourner au Cameroun. Voilà, on continue. Et on va, dès que je lis, là, on va dans les prophéties. Tu sais, dans les prophéties, je passe du temps dans les prophètes parce que je peux savoir ce que le futur dit. Parce que le langage est donné ici. Dans notre langage, c'est codifié ici. Pour savoir ce qui se passe dans le futur. Quand quelque chose se passe, je vois le débat à la télévision, je vais chercher dans la Bible ce que la Bible en dit. Et je vois, quand je vois cela, je dis, ah, c'est terrible, tout est ici dedans. Donc après avoir lu là, je vais poser la question. Il y a plusieurs ramifications des conséquences de cette nouveau ordre mondial. Lorsqu'on voit les problèmes, ici, très souvent, on essaie de résoudre. Si par exemple, il y a un robinet qui coule l'eau, coule là à la maison. On commence à dire, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, enlever la CP, cherche la CP. Oui, la CP est bon. Il faut un endroit pour sécher l'eau et sécher cette serpille-là, c'est bon. Mais là, en fait, le vrai problème, c'est la source. Il faut résoudre le problème de la source. Il faut regarder là où il y a la source. Bon, maintenant, j'ai dit qu'on lit Zacharie, c'est ça, non? Oui. Lorsqu'on va lire Zacharie, gardons en toile de fond qu'on a lu Ésaïe, chapitre 14, et on a laissé un verset là-bas. Mais on a vu dans Sophonie, chapitre 3, clairement, comment Dieu a dit que c'est lui qui suscite le nouveau ordre mondial. C'est à dessein. Et c'est à dessein de punir et de détruire la terre. Elle a dit qu'après que le nouveau ordre mondial ait fait son temps et qu'il les ait punis comme il a dit, il va donner les lèvres pures pour qu'on puisse l'invoquer depuis toute la terre. Mais il va d'abord frapper. Voyons donc cela. Et il y a un mot qu'on a essayé de chercher, que l'Assyrien. Qu'est-ce que c'est que l'Assyrien? Il faut qu'on le démêle maintenant. Zacharie. Moi, ce qui me choque, oui. c'est que je j'ai pas beaucoup d'âge. En fait, c'est que depuis fin d'année 2011 oui. que je découvre la parole de Dieu. Oui. Mais entre 2012, on va dire, oui. et aujourd'hui, j'ai eu une période avec ma femme où on n'allait pas à l'église, où on n'a pas lu la Bible. Moi, je n'ai jamais lu la Bible. Oui. C'est pour ça qu'il y a certains endroits. Ce qui me choque, oui. c'est que parmi les moments que j'ai passés dans des églises, oui. ou les moments que j'ai passés devant Internet à regarder des pasteurs, des serviteurs de Dieu prêcher, oui. jamais j'ai entendu parler de sophonie. Tout à l'heure, je disais... Je comprends bien le mot, c'est parce qu'il a son accent et sophonie. Et là, le frère qui me dit c'est là. Ah, je regarde, je dis non, de Zeus, ça existe. Voilà, je ne voulais pas couper, pardon. Ouais. C'était juste. Non, c'est pour détendre l'atmosphère. Ah, sophonie. Eh bien, tu connais moi Naum? Non. Bah. Ah, bon. Qu'est-ce que tu veux qu'un prédicateur ne prêche là quand il ne connaît pas? C'est parce que c'est compliqué là-bas. Ok, maintenant, Zacharie, chapitre 14. 14? Oui. Zacharie chapitre 14, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Zacharie chapitre 14, après ça on va aller dans le livre de Michée. On y va, à partir du verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Stop. Vous entendez ça? Il dit quoi faire comme ça? Il a rassemblé toutes les nations. Comment? Dites-moi comment toutes les nations vont attaquer Israël. Comment? Voilà ce qui est écrit. Au travers des armées. Au travers des armées. Donc il y aura une armée unie. Et par contre, il y a une résolution mondiale. Parce que les Nations Unies prennent des résolutions. C'est la représentation de toutes les nations. Or, on écrit ici, dans une période où il n'y a pas des institutions sur le plan mondial. Si quelqu'un qui lisait cette Bible, si on s'est appelé de Zacharie, va dire certainement le prophète est fou. Je savais que l'ONU était mauvais. Oui. Je savais que c'était le diable, on va dire. Oui. Mais c'est là où je comprends où ils veulent en venir. Donc, oui, effectivement, que si que les gens qui y travaillent, en fait, travaillent et prennent le salaire de l'Antichrist pour nourrir leur famille. Tu entends? Dans l'autre pays, maintenant, waouh, c'est un diplôme, il travaille à l'ONU, hein. C'est ça, oui, wow. En Afrique, quand ils ont wow. Évoqué, là. Ils travaillent à l'ONU, PNUD, OMS, il n'y a pas de problème. Mais ils sont dans le projet unique de l'Antichrist. Le beau véhicule, ouais, oui. Blanc. Chef des diplômes diplomatiques, plaque vert. On ne les suivait pas. Mais regarde, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Puis, verset 2, Dieu dit, je rassemblerai. Une fois de plus, celui qui le dit. Je rassemblerai. Il n'a pas dit une nation. Toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. En fait, c'est parce qu'il y a un projet où Dieu va punir les gens là-bas. Parce qu'en réalité, toutes les résolutions qui se passent sur la terre, on a vu cela, cette pensée-là dans la Genèse. Je vais souhaiter encore prendre le temps là-dessus. Dans la Genèse, nous avons vu que Dieu a voulu que l'homme se disperse sur la terre. L'homme, entre guillemets, là, dans la Genèse, ne veut pas se disperser sur la terre, c'est-à-dire qu'il lutte contre la pensée de Dieu. Par la suite, maintenant, Dieu s'est choisi un peuple sur la terre au travers de qui il va manifester ses lois pour montrer de l'obéissance, comment il veut que les gens vivent. Satan se lève contre ce peuple-là pour que ce peuple soit rebelle toujours contre Dieu. Donc, chaque fois quand Dieu va poser un acte, Satan va vouloir poser le contraire parce que c'est son opposant. Alors, Dieu va finalement laisser pour qu'ils oppriment ce peuple-là comme ils sont le sont maintenant. Opprimés, oppressés, oppressés. Et en fin de compte, des résolutions seront faites. Pourquoi la loi du. Quand on passe au détroit, on dit qu'en fait, l'ennemi sur la terre, c'est Israël. C'est tout simplement parce qu'ils sont appelés du nom de l'Éternel. Quand ça va se passer comme ça, toute la terre va venir dire c'est le propre. En fait, on a des problèmes, ils appellent ça le sionisme. Il y a des guerres. On dit tous les problèmes ici, les musulmans sont prenés, les musulmans les plus radicaux vont dire que tout Coca-Cola, c'est juif, ainsi de suite, c'est judéo-américain ou de là-bas. C'est pour ça que ces juifs, les juifs sont puissants. Et ça va amener cette haine-là contre eux pour qu'ils attaquent. Maintenant, il y a une résolution qui sera votée aux Nations Unies. Ça va donner le quitus pour aller attaquer Israël. Ça, c'est la face la plus terrible que l'humanité va connaître là-bas. Attaquer Israël. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. On dit, la vie sera prise. Donc, en fait, qu'est-ce que les prophètes ont vu? Je crois qu'un de ces jours, il faut qu'ils parlent domaine après domaine. Qu'est-ce que les prophètes ont vu? Quand, pourquoi on met dans la Bible Naum? On le met, on dit qu'il regarde comment la ville de New York. On a parlé de ça, la New York, c'est qui va passer à Cincinnati, au-delà, c'est écrit là-dedans. Quand il a regardé, il a traversé le rue, l'esprit l'a fait parcourir le rue. Il était déboussolé. Il a dit, qu'est-ce qui se passe ici-là? Parce qu'il voyait les tours avec des styles de voitures. Il a dit, c'est quoi ça? C'est les lampes torches? Il a appelé les lampes torches. Comment les lampes torches peuvent courir vite comme ça? Parce que le gars ne comprend pas que dans son époque, comment on peut faire voir des visions comme ça? Mais dans la Bible déclare, verset. Et la Bible prophétise que la ville sera prise. Donc ça veut dire que la victoire humaine va aller jusqu'à un certain point. Ils vont essayer de courir victoire, de crier victoire. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3, regardez. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Il donne l'indication exactement là où il va paraître. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. C'est un autre père de marche. Il fallait qu'il parle de ces choses-ci. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Regardez comment le prophète indique exactement. Et une autre moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous aviez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Et c'est quand même terrible ce qui est écrit dans la Bible ici. Et on voit ça littéralement dans le Nouveau Testament, quand il va revenir pour régner. Maintenant, regardez. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Puis il dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Frère, je peux parler. Vous êtes fatigué? Non, frère, pas. Frère, Willy, tu es fatigué? Non, ça va. Sautons, verset 9. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Vous allez mettre ça, mais c'est cool là-dedans, mais n'avez pas parler. Non. Allons, verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le le seul éternel. Donc, on voit effectivement qu'il a exterminé toutes les divinités ici. Et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Gibea et Rimmon au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. C'est ainsi par le Seigneur. Donc, tout ce qu'on fait, tous les transgressions qu'on fait, on voit les homosexuels à Jérusalem et ainsi de suite, là, ça va fabriquer, il va purifier. Maintenant, alors, verset 11, on habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Ainsi parle le Seigneur. Puis, il dit maintenant, en réalité, ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait lire le verset 1 et 3. C'est pour ça que les prophètes compliquent pour que cette parole s'y soit scellée pour ceux qui sont destinés. Je devais lire le verset 1 à 3, puis je devais aller directement au verset 12. Parce que le verset 1 et 2, il nous a dit, Dieu va rassembler les nations pour qu'ils attaquent Jérusalem. Après, subitement, il nous introduit beaucoup de prophéties là. Puis, par la suite, au verset 12, il lui revient maintenant. Il dit, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Je veux que tu lises aussi, mon cher. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Oui. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Oui. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Alors maintenant, il y a un problème maintenant. Quel style d'âme peut produire ce style de contagion? Parce qu'on a dit, il va rassembler toutes les gens pour qu'il va attaquer Jérusalem. Donc, ce qu'on veut attaquer, ce n'est pas le peuple qui va attaquer, ce sont les armes. Donc, il vient avec les armes. Après ça, on va dans le livre de Zacharie. Dans le livre du prophète Michée. Quelle arme peut faire ça? Oui. Sincèrement, je ne connais pas. Alors maintenant, continuons. Allons-y. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. Oui. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. C'est bon. Donc, l'alliance qui va aller contre Jérusalem, ça c'est une période de guerre nucléaire. Dieu va créer des mésententes entre eux. Ils vont se bombarder les uns les autres. Les armes chimiques dont on a décrit là. Ce n'est qu'il n'y a que les armes chimiques et bactériologiques qui puissent opérer ici. Voilà ce qui est écrit. Et c'est ce qui attend les nations. Donc, toutes les armes chimiques autres là-bas, lorsque une bombe va frapper auprès de Jérusalem, ils vont confirmer. Allons dans le livre de Michée, chapitre 7. Voyons ce que Emmanuel va faire. Vous pouvez surprenez aussi le livre de Nahum, vous allez voir comment Nahum. C'est quoi c'est Michée. Michée. Oui, il faut rentrer doucement. Frère, aide-le encore à trouver. Donc, bienvenue à Casablanca. Et bienvenue dans l'esprit du nouveau ordre mondial. Osez. Donc, je suis content que Dieu ait inventé le nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial, c'est la volonté de Dieu. Alors, c'est dans la Bible. Mais là, c'est pas dit. Le nouvel ordre mondial de Dieu. Combien, Michée? Ta tête ne tient pas. Michée, chapitre 5. Mais, ce qui est fou, c'est que c'est... Il y a très peu de prédications sur ça. Ouais, en fait, parce que les gens ne connaissent pas. Alors, en France, pas vers chez moi, parce que je ne vais pas non plus parler de toutes les églises de la planète. Ce qui est prédit le plus, c'est bénédiction. Bénédiction. Bénédiction. Et là, tu en as subi. Je crois que tu as des témoignages graves. Là. Bénédiction. Matériel, postérité. Et je ne vais pas te couper. C'est encore la détente. Le pasteur de l'église, peut-être que... Non, c'est surtout vous. Peut-être que vous connaissez. Hein. Parce que des fois, ils viennent au Maroc. Tu m'as pas dit ? Oui. C'est qui ça ? Oh, je ne connais pas très bien. Qui ça ? Mabadi. Monsieur et madame. Monsieur Stosta Mabadi. On les connaît très bien. Ils viennent. Alors, en fait, ils ont non, c'est fini. Ils ont un apôtre au-dessus d'eux. Oui. Qui a commencé, on va dire, pasteur, enfin, toutes ces histoires de grades là, oui. Qui a commencé à Bordeaux. Lui, il est parti sur Aix-en-Provence, dans le sud de la France, oui. Vers Marseille. Et c'est eux là, voilà. Qui connaissent. Qui ont en responsabilité cette église. Ouais. Ils sont à Talence. Quand moi, ma femme découvre cette église, enfin la découvre, une amie l'invite, bref. Ça a été la reprise de l'écoute de la parole de Dieu. Ouais. On a eu une période où on n'y allait plus. Ouais. Bref, ma femme insiste pour qu'on vienne. J'arrive dans cette église, je dis voilà, écoute-moi, je sens des choses intéressantes dans cette église, mais M-A-I-S. Trois points. J'ai jamais trouvé la réponse. Oui. Mais. Mais. Entre-temps, il décide, il souhaite devenir propriétaire. Tout fier de dire... Voilà, propriétaire immobilier ou bien propriétaire de cette église. Propriétaire, non, non. Propriétaire immobilière. Okay. C'est-à-dire, en fin de compte, aujourd'hui, ils ont toujours gardé ce local en location. Et ils sous-louent. C'est okay. Ça qui m'a choqué. Parce qu'ils ont le titre d'une association. Oui. Parce que, bien sûr... À but non lucratif, soi-disant. Voilà. Mais ils ont le droit de continuer à louer, de sous-louer. Oui. Et ils ont acheté un local à côté de l'aéroport de Bordeaux, oui. Dans la ville de Mérignac. Parce que l'aéroport, ce n'est pas l'aéroport de Bordeaux, c'est l'aéroport de Mérignac. Oui. D'accord. Ils sont aux portes de l'aéroport. 1,5 million d'euros. Pardon ? L'achat de ce local. C'était... C'est le prix, enfin, c'est le prix. Je ne suis pas un spécialiste de l'immobilier. Voilà. Mais ils ont racheté des anciens bureaux. Oui. Où ils ont enlevé les cloisons, enfin voilà, ils ont fait une grande pièce et tout. Voilà. Bref. Donc, comme vous le connaissez. Mais les pognons, là, ça vient d'où ? De chacun qui a voulu contribuer. Donc, ils ont lancé. Des quêtes. Ils ont lancé, voilà, une enveloppe. L'appel des fonds. Une enveloppe avec bâtir, ou je ne sais plus quoi, bref, c'est des enveloppes super. Hein. Et tu y as participé ? Pardon ? Tu y as participé à cette. Non. Vient un pasteur qui, on va dire, on pourrait dire que c'est son ministère, parce que c'est comme ça que c'est dit, explique qu'il faut savoir donner à Dieu pour recevoir. Explique que celui qui est arrivé, lui, il est gabonais, je ne vous dirai pas son nom, je ne sais plus. Et donc, à l'époque, il est second dans une église. Et pendant un culte du dimanche, Dieu lui met à cœur de donner sa voiture. Il explique qu'à cette époque-là, c'est le seul à avoir cette Mercedes-là. Oui. Ça, c'est au Gabon. Au Gabon. Donc, il va voir le responsable de l'église, le numéro 1, en disant, voilà, Dieu m'a mis à cœur de donner à l'église cette voiture. Il explique qu'il rentre chez lui après le culte, à pied du coup. Il vient de donner cette voiture, il a ses enfants, sa femme et tout. Il explique que pendant au moins 2 mois, il galère. C'est-à-dire que tous les jours, il faut emmener les enfants à l'école, mais il explique, c'est parmi tous ses témoignages, parce qu'en fait, il prêche beaucoup en témoignant. Et il explique que un jour, il finit par avoir une abondance. Et aujourd'hui, il est rendu à 7 voitures au Gabon. Et du coup, il a une société de location. C'est-à-dire que lui, maintenant, comme il a eu 7 voitures en main, du coup, il a ouvert une société. Avec sa voiture, là. Il loue. Comme ça, si quelqu'un veut louer une voiture, il va chez lui, il lui loue une voiture. Donc, il explique cela. Après, donc, du coup, je pars du principe que Dieu me met à cœur de faire aussi un sacrifice. Et il explique qu'il faut que ça fasse mal. Je me lève et je m'avance. Parce qu'à un moment donné, il dit, si quelqu'un se sent concerné, le fait, je me lève. Mais c'était quelque chose qui était plus fort que moi. Oui. C'est pas je calcule, je prends la calculatrice. Non, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Je me suis levé, je me suis avancé. Je commence à tourner la tête au bout de quelques secondes. Je dis, oups, je suis tout seul. Je suis tout seul, waouh. Dans toute cette assemblée, là. Dans toute cette assemblée. Ok. Et finalement, le pasteur Mawadi se lève aussi. Ok, très bien. Et puis après, à un moment donné, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. L'esprit avait fait son effet. Terrible. Hein? Et tout de suite, le culte se termine. Le culte, enfin, on retourne s'asseoir. Oui. Oh, bref, on retourne s'asseoir. Le culte se termine tout de suite. La secrétaire prend les noms de tous les personnes. Viens là, toi. Tu t'es avancé. Tu as prévu quoi ? Donc, moi, j'annonce ce que je prévois. Je dis, voilà, j'ai une maison à moi. Oui. Je veux la vendre et je donne l'argent. Mais je regarde la personne, je dis, je ne vais pas faire ça comme ça. Oui. En 2 jours. Oui. Et finalement, avec mon travail, je partais pendant plus de 4 mois. Oui. Donc du coup, je ne cherche pas à faire ça tout de suite. Oui. Je ne peux pas lancer des démarches comme ça. Oui, oui. Et voilà. Donc du coup, il s'écoule à peu près 1 mois. Je pars, je fais mon temps. Et pendant que je suis là-bas, je me dis, bon, il faut que tu fasses ça. Tu t'es engagé à faire ça. Je reviens. Il me faut toujours un petit peu de temps pour me remettre un peu. De 4 mois de coupure, c'est compliqué. Pas par rapport à Dieu, par rapport à la vie de famille et tout. Bref. Et finalement, les semaines passent, les mois s'écoulent, je continue à aller à l'église. Mmh. Et au fond de moi, et ça, après, je ne sais pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais, mmh. et finalement, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je me pose des questions au fond de moi, et puis, il faut avoir le courage de le faire. Oui. Sincèrement. Mmh. Parce qu'on s'est tué, pardon, parce que ça peut vexer Dieu, mais on se tue, c'était mon cas, mmh. on se tue à la tâche d'acheter quelque chose, oui. de faire des travaux pendant des mois et des mois, mmh. et on se dit, mon Dieu, je vais la vendre et, donner comme ça. Et la donner. Alors qu'aujourd'hui, mmh. je n'y habite pas, mmh. mais je la loue. Oui. Et c'est une source de revenus pour moi. Oui. Parce qu'en plus, ça, elle est finie de payer. Oui. Parce que j'ai fait ça quand j'avais 22 ans. 22 ans. J'ai fait ça très très jeune. Oui. Bref. Et en parallèle de ça, il y a des histoires qui se font sur par rapport à notre fille. Oui. D'accord. Qui a 14 ans. Avec... au niveau de l'église, des oui. histoires. Oui. Bref. Ma femme me met au courant, Flora me met au courant, mais moi je suis encore en mission à ce moment-là, je ne suis pas rentré. Oui. Bref. Mais moi je continue à venir. Ma femme, qui insiste pour que j'aille à Talence, puisqu'à l'époque c'était à Talence, oui. me dit viens, etc., il faut que tu pries, etc. Aujourd'hui, à cette époque-là, donc c'était au mois de février dernier, oui. me dit oui, mais. oui, mais je ne veux pas. Je ne me sens pas d'y aller aujourd'hui. Ça a commencé comme ça. Je ne me sens pas d'y aller aujourd'hui. Je ne me sens pas. Et je me dis, moi, il faut quand même que je continue à y aller. Ouais. Et finalement, le temps passe. Et vous savez comment c'est. C'est comme fumer. Ouais. On fume une cigarette par jour et puis on finit par fumer un paquet. Ouais. Là, c'est à l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que là, on y va, on diminue. On diminue. Ouais. Et en plus de ça, des comportements particuliers. C'est-à-dire... Ouais. Où, prophète, Sosten, ma oui. dit, oui, je suis là. Ah, il est passé à côté de moi, il ne me salue pas. Waouh. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce genre de choses. Oui. Donc, on se pose des questions. Oui. Et tout à l'heure, on parlait de clan. Oui. Et une parenthèse aussi, je n'ai pas voulu trop rebondir tout à l'heure, mais moi, ce qui me choque, et ça, je l'ai dit à quelques-uns de cette église, parce que il y a l'église de maison. Oui. Tous les mardis soirs, ce qui n'est pas mauvais oui. en soi, dans le sens où oui, c'est important, parce que souvent il y en a, ils sont chrétiens le dimanche oui. et païens le lundi au samedi. Oui. Ce qui peut être mon cas, attention, oui. j'ai aucune prétention. Oui. Et donc, en général, à la tête de ces prières de maison, ben, oui. c'est des responsables, oui. pas forcément pasteurs, oui. mais des responsables oui. de l'église. Et donc je parle à une personne comme ça, ou un jour je parle aussi à la secrétaire, mmh. avec qui j'ai jamais parlé avant. Oui. On se croise dans la rue comme ça, en bas de chez moi. Oui. Donc on parle, on échange, etc. Et je reviens à dire des choses, en disant, dans l'église, il y a des choses qui me dérangent. Il y a des gens qui ne sont pas polis, oui. qui ne disent pas bonjour, oui. qui ont l'air d'être très prétentieux. Et là, je sens que je froisse oui. les gens. Et là, les gens, comme si j'étais en train de critiquer, comme si je critiquais sa femme. Donc, à la limite, qu'il défende sa femme, je peux le comprendre. Oui. Mais ce qui me gêne, et c'est là où je trouve qu'il manque de la maturité, mmh. et je ne prétends pas que c'est facile, oui. mais qu'il manque de la maturité dans les églises, c'est mmh. apprendre à écouter. Oui. C'est peut-être bon, c'est peut-être mauvais, effectivement. Et encore et encore, oui. Mais écoute. Donc je sens, et finalement, de fil en aiguille, on ne va... Ça fait, en tout cas, ça fait un petit moment... Non, mais je crois que quand tu vas rentrer là, oui, je crois que cet refroidissement-là est à dessein. Je crois que ton épouse a écouté beaucoup de choses et vous en parlerez. Et pendant la semaine, nous passerons ici à Casablanca, on va voir beaucoup de choses concernant l'Église. Il y a beaucoup de choses qui... Et je rends grâce à Dieu pour ta vie parce que malgré cela, tu n'étais pas éloigné du Seigneur. Malgré cela, ce n'est pas les hommes que tu cherchais. C'est le Seigneur. D'où le déplacement des Bordeaux ici à Casa. C'est vrai que c'est dangereux. Oui. Parce que quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on ne vit pas pour Dieu, mais on vit pour l'Église, voilà. pour le bâtiment. Le bâtiment. C'est dangereux. Le bâtiment. Oui. Et je conçois, et que depuis peu, que c'est très dangereux. Et après, ils font, je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler, ils font un... Mince, comment on appelle ça ? Pendant plusieurs jours, un séminaire, oui, séminaire ouais. comme un séminaire. Et au début, je trouvais ça sympa. Ouais. Mais je me dis, mais est-ce que c'est si sympa que ça? Ouais. C'est-à-dire le nom de leur séminaire. Le thème du séminaire. Non, ouais. Le nom du séminaire. Oui. La CIA. Conférence internationale des aigles. Des aigles. Et je me dis, mais est-ce que c'est le bon truc? Sur le coup, je trouve ça sympa. Je dis, c'est cool. C'est... Et tout de suite, ça me fait penser, parce que je suis très film, hein, je ne vais pas non plus cacher que je suis pas... J'ai déjà vu des films où il y a des histoires de CIA, oui. Et ça me fait penser à l'aigle. Je me dis, waouh. Je me dis, est-ce que c'est le bon symbole? Oui. On se pose toutes ces questions. Oui. Et là, c'est pareil, ils ont commencé, là ils sont à leur 10e ou 12e édition, 12e année, hein, ou 10e année, donc c'est quand même, et apparemment ça marche beaucoup, ils font venir différents intervenants, hein. Ça peut être un Camerounais, ça peut être, voilà, ça dépend, souvent il y a quand même déjà des habitués à venir, et ce qui se passe, c'est que ils ont décidé depuis quelque temps, parce qu'ils ont toujours plus de monde qu'à l'habitude, ils louent une salle. Sauf que louer une salle en banlieue bordelaise, c'est pas donné. C'est pas donné. Et quand je vous parle d'une salle, c'est une salle qui peut accueillir 1000 personnes. Donc là aussi, et ça pour une salle. Appel de fonds. De fonds. Puisqu'il faut bien, parce que quand on loue une salle, c'est pas on la loue, on vous réglera après. Vous réglez maintenant et après. Et du coup, je crois que pour le temps qu'ils font leur séminaire, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est certainement 12 ou 15 000 euros. Il faut les trouver, les 12 ou 15 000 euros. Ouais. Je ne vous cache pas. Donc voilà, donc c'est tout cet ensemble, je ne sais plus du tout pourquoi je suis parti là-dessus, mais c'est tout cet ensemble qui finalement fait qu'aujourd'hui, et je ne sais toujours pas ma position, est-ce que j'ai vexé Dieu, est-ce que je l'ai blessé, non, de m'engager à faire un sacrifice, un don, et finalement de ne plus le faire. Mais ce qui est certain, c'est que je suis profondément convaincu qu'il y a des gens qui ont un comportement vis-à-vis de moi par rapport à ça, en disant « Ah !» Il a dit telle chose, il n'a pas fait. Il n'a pas fait, donc voilà. Et après, bon, c'est je ne devrais pas le faire parce que ça concerne ma femme et pas moi, mais ma femme a été présente au Nouvel An pour la nouvelle année à l'église. Elle souhaitait encore y aller souvent, et finalement, elle n'est pas allée souvent parce que dès que je ne suis pas là, c'est compliqué à elle pour se déplacer, parce qu'il y a plus d'une heure de transport en commun pour aller de là où on habite à cette église. Mais elle s'est avancée avec les enfants, parce qu'à un moment donné, il y a eu, vous savez, comme souvent ça se fait, hein, approchez-vous, on va prier pour vous. Et donc le prophète Mabouadi passe, et passe en coup de vent sur ma femme et mes enfants. Ça en a fait pleurer ma femme. Ça l'a blessée profondément. Profondément. Et donc voilà, et tout ça pour dire que oui, ma femme avait commencé toutes ces histoires de foulard et tout. Et là, on commençait à la regarder en disant, qu'est-ce qui se passe? On est même venu me voir à moi en me disant, oh, ta femme, là, qu'est-ce qui lui arrive? Donc, à cause des foulards, ta femme a commencé à mettre, on est venu te voir là. Après, on va voir cela. Il y a un thème qu'on va développer, comment être riche pour Dieu. Et là, on va répondre à cette préoccupation. On va voir normalement, bibliquement, comment ça devait se passer avec cette bien-là. D'accord? Mais comme je leur disais, Flora... avec madame, vous l'avez connue plus ou moins comme madame. Non, avant non. C'était Jean. Ouais. Non, j'ai vu les anciennes photos. D'accord. Voilà. Enfin, c'était vraiment une femme du monde. Donc il faut voir la transformation du Seigneur, parce que même la couleur de sa peau a littéralement changé de façon drastique. Je me suis moqué d'elle. J'ai vu sa carte de séjour. Je me suis moqué d'elle. J'ai vu sa carte de séjour à Abidjan. Je me suis moqué d'elle, parce que je vous la montrerai. Je me suis moqué d'elle parce qu'en fait, quand je l'ai connue, elle était plutôt métisse. Métisse. En exagérant, d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'elle fait partie des femmes qui se blanchissent la peau avec des crèmes et trucs comme ça. Autrefois, là, quand elle était à Abidjan avec le frère, on se parlait en visio. C'est ce qu'elle a dit. J'ai rien, t'as noirci. Oui, oui, on était à la maison et tu as voulu me parler à ce moment-là. Je lui ai dit, je dis, ah, ça va pas. Sous-entendu, je vais te quitter. C'était pour l'embêter, parce que je suis comme ça, je chambre beaucoup. Mais ma femme me connaît, donc elle sait que quand je plaisante, j'ai été noirci. C'est vrai que ça non, mais c'est terrible. Hein. Quand j'ai vu sa photo sur, sur sa carte d'essai de résidence, et puis sa photo physiquement, c'est deux personnes différentes. Je crois que les gens de sécurité là, dans les aéroports doivent avoir des fils d'arrêtoir avec cela. Il va falloir expliquer que c'est elle qui est sur la photo là, c'est terrible. C'est vrai. Et j'ai pensé, il va falloir que son mari ait vraiment aimé Dieu pour ne pas la quitter. Parce que si c'est la chair que tu avais aimée, la nouvelle chair que tu vois, ce n'est pas la chair qu'elle t'a présentée dès le départ. Ouais, non. Enfin, ça encore non. Ça encore non. Moi, ce qui aurait pu me faire quitter ma femme, et que je n'ai pas quitté jusqu'à maintenant, par rapport à Dieu, parce qu'on s'est quitté, hein, elle et moi, avant de connaître Dieu, c'est son caractère. Après, je ne veux pas trop parler. Non, mais on ne parlons pas de la rentrée dans le nouveau ordre mondial. Mais voilà, oui. Oui, rentrée dans le nouveau ordre mondial. Michée, chapitre 5. Michée, le prophète Michée. On y est. Michée chapitre 5. Alors, c'est parti, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Oui. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Écoutez, c'est lui qui ramènera la paix. Oui. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs. Oui. Et 8 princes. Nous avons commencé aujourd'hui dans la Genèse. Nous allons voir là on va encore chuter. Allons-y. Et 8 princes du peuple. Oui. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie. Oui. Et du pays de Nimrod, au-dedans de ses portes. Le pays de qui? De Nimrod. Subitement, le prophète commence à parler encore. De Nimrod. Continuons. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien. Lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Vous voyez que quand les prophètes, le même esprit vient sur le prophète, ils voient la même chose. Zacharie a vu la même chose. Ésaïe a vu la même chose. Nahum a vu la même chose. Sophonie a vu la même chose. Ici, Michée a vu la même chose. Exactement, bien décrit de la même façon. Finissons au chapitre 5. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme. Elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Oui. Le reste de Jacob sera parmi les nations au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires et que tous les ennemis soient exterminés. En ce jour-là, dit l'Éternel, j'exterminerai du milieu de toi tes chevaux et je détruirai tes chars. J'exterminerai les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magiciens. Ouais. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues et tu te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains. Ouais. J'exterminerai du milieu de toi tes idoles d'Astarté et je détruirai tes villes. J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur sur les nations qui n'ont pas écouté. C'est terrible. Donc, le nouvel ordre mondial est ordonné par Dieu. Et bien plus, Dieu dit dans la Bible que lors du vote, il va intervenir. En fait, il a même déjà intervenu. En faisant l'intérêt, c'est que quand on va faire le choix, on désigne l'Antichrist. Il a dit ça. C'est pas ici, on a lu, hein. C'est pas ici. C'est dans l'un du passage, on va y aller, mais là maintenant, il attend que le passage vienne. Donc, il y aura des votes, il y aura des décisions sur la terre. Dieu va faire à ce qu'il choisisse la personne idéale Et puis plus tard, ça renverse la tendance pour accomplir exactement ce qu'on a de l'Église. Merci Père. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse, le chapitre 17. Que Dieu vous bénisse. On y va. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Alors, Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. C'est terrible. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Vous entendez ça? Voilà le dessein. Ils vont remettre à la bête, ils sont 10, ils vont se regrouper, ils vont remettre leur autorité à la bête. Nous, nous te faisons allégeance. Continuons. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est... Arrêtons-nous là-bas. Donc nous voyons effectivement que les réunions sur la terre des chefs d'État, on a dit ces rois de la terre, on voit effectivement le pourquoi ils le font. Parce que lorsqu'il y a le pouvoir politique, lorsqu'ils viennent sur le plan public pour pouvoir parler déballer les projets, ils ne disent aucun projet qui est contre Dieu, physiquement. Mais ils sortent des lois, des différentes choses. C'est quand tu es chrétien que tu sais que ces choses, c'est contre Dieu. Toute personne qui a aguerri de l'esprit sait que toutes les lois humaines qui votent maintenant, enfin, sont dirigées contre Dieu. Parce qu'à l'instant où on vote les lois, pour empêcher à un parent de taper sur son enfant, pour corriger son enfant, c'est tellement antichrist. Parce que c'est faire du mal aux enfants. Parce que la Bible déclare que celui qui épargne la verge de correction à son enfant n'aime pas son enfant. Et la verge de correction délivre l'enfant du séjour de mort. J'ai eu des problèmes, moi. On va y arriver. C'est des ramifications. J'en ai titillé parce que c'est chez vous là-bas. Chez nous, on tape. Je sais. Oui. Combien de fois ma femme dit à ce toit à la grande. Oui, qui vient amener là-bas. Toi là. On va arriver à Abidjan. Tu vois, c'est avec tes tantes. Alors, nous voyons, on dit ils combattront contre l'agneau. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'ils vont combattre l'agneau que lui, il est au ciel? Comment les rois de la terre sont sur la terre, font des réunions? Ils combattent donc contre l'agneau. Comment? Le prince des princes, lui, se trouve en haut, dans les cieux. Comment ceux qui sont sur la terre donnent l'autorité à la bête et comment ils vont combattre l'agneau? Continuons. Alors, ils combattront contre l'agneau. L'agneau les vaincra. Et les vaincront. Non. J'arrête. Verset 14 encore. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Oui. Et il me dit. Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Exactement. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Vous avez vu ça? Toutes les paroles qu'on avait lues là. Donc Dieu a fait cela. Donc qu'ils fassent le Parlement européen, qu'ils choisissent les rois sur la terre, ils vont accomplir ce que Dieu a dit. Alors chapitre 11, on sort de là, il ferme la Bible doucement et puis on continue dans le deuxième volet. Chapitre 11. De quoi? De l'Apocalypse? Oui, d'Apocalypse. C'est plein là. Donc, il va y revenir en plein. Tout à l'heure, nous sommes allés lorsqu'il était en train d'introduire pour montrer que le royaume de la terre n'est pas encore sous le contrôle du Seigneur. On va revenir là-dessus, mais on va lire le verset 15 jusqu'au verset 19 et on va voir ce que le Seigneur prévoit là-bas. Donc, je crois qu'à l'entrée, nous avons lu cela et après, on a lu 1 Jean chapitre 5, le verset 19, où il a dit nous sommes de Dieu et le monde actuel sous la puissance du malin. On a lu ça aujourd'hui. Oui, tout à l'heure, on a lu l'Apocalypse 11, de 15 à 18. Voilà, maintenant, lisons le monde jusqu'au 19. Suivons très attentivement. Alors. Verset 19. Non, lisons encore le verset 15 en descendant jusque-là pour voir ce qu'il en est. D'accord. Oui. Le septième ange le septième ange, sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il règnera au siècle des siècles. Amen. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Écoutez, maintenant, verset 18, allons-y. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Stoppons d'abord là-bas. Vous voyez des paroles révélatrices dans la Bible. Les nations se sont irritées. Comment ils s'est fâché. On est obligé d'aller quelque part lire encore. On est obligé. Le psaume 2, psaume là. Et plusieurs fois, Dieu a conseillé les gens. Plusieurs fois, il a conseillé la manière de faire. Plusieurs fois. Ils disent, la solution, c'est le Seigneur Jésus. Les gens ne comprennent pas. La solution, c'est le Seigneur Jésus. Ah non, mon père, chef d'État, ils ne savent pas que c'est parce qu'il a été élu avant la fondation du monde pour aller à la destruction. Et aujourd'hui, on voit, c'est tellement prestigieux où les gens envient ces postes-là. On envie ces pouvoirs-là. Pourtant, vous voyez effectivement comment ils sont tellement encerclés qu'on ne peut pas saisir la voix de Dieu. Chapitre 2, le psaume 2e. Il dit, verset 1, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Vous voyez, chaque fois que le Seigneur veut faire son entrée, il y a toujours l'agitation parmi les rois. Et ça commence avec les rois. Ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? La question est posée. Pourquoi se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux, avec les chefs d'État, contre l'Éternel et contre son roi? Délivrons-nous de leur chaîne. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Donc Dieu se moque des chefs d'État. Quand ils font des réunions de COPS 21 à Marrakech, il faut que réchauffement climatique, Dieu dit. Ils sont tellement intelligents, tellement glorieux dans leur gloire humaine, au point ils sont tellement bêtes à ne pas comprendre. Parce que le bon sens voudrait que on comprenne que si le Créateur a créé la stratosphère, l'ionosphère et tous les autres strates, il maîtrise tout ce qui se passe ici. Et ils cherchent des solutions par eux-mêmes. Quand tu es dans l'avion, si l'avion tombe là, tu pourras nager quelque part. Quand tu es dans l'avion, quand tu vois l'atmosphère, là où ben l'avion, vous montez peut-être à 3000 pieds. Vous êtes en haut. Si l'avion écarte, quelqu'un peut s'en sortir. Et quand tu vois tous ces vastes territoires dans les cieux, alors que tu nages dans l'avion, qui maîtrise tout cela? On passe dans des vagues, on passe dans des nuages. Tu vois, c'est tellement vaste et c'est toujours éloigné. Et au-dessus de toi, en gros, tu vois le ciel. Il ne se pose pas de questions. Qui dépose ça? La Bible déclare dans le livre de Job que celui qui donne la pureté et la sérénité au ciel dans un soleil à son midi. Mais ça, c'est parce que le diable leur a mis dans l'esprit. Ils ont mis dans l'esprit, ils ont voilé les yeux. Et leur fait croire que c'est eux qui maîtrisent. Que c'est eux qui maîtrisent. Ou éventuellement le diable. Alors, d'où le rire quand Dieu est au ciel, quand il les voit réunis à COPS 21, sommet sur le réchauffement climatique. Dieu rit. Après, il se dit que ça serait une volonté de Dieu, je ne sais pas si c'est vrai, que ça soit Trump. Oui, ça c'est une de paix de mal parce qu'il est en plein milieu pour faire quelque chose. Au pouvoir, parce que si ça aurait été Hillary Clinton, ça aurait été encore les banques. Tu ne sais pas comment j'ai dû pleurer toutes les nuits pour que ces choses, ce qui se passe en Amérique là, parce qu'en réalité ça va barder là-bas. Ça c'est une paix de mal encore, mais ça va revenir encore en plein. Et donc, du coup, apparemment Dieu aurait mis. Et c'est vrai que Trump, alors même si. On va dire qu'il est peut-être dans les mêmes idées que les autres. C'est vrai qu'il fout son bordel. Oui, il fout son bordel. Il fout son bordel. Enfin, il casse tout. Il casse tout. Il met tout. C'est comme dans la dictature. Votre COP 21. Là. Et là, il est zanagé, quoi. Je n'en veux pas. C'est incroyable. Je vais t'expliquer ce qu'il en est. C'est incroyable le tumulte que lui, il fait. Oui. Et en fait, il part à contre-courant de tout ce que ce Seigneur a besoin d'établir. Et c'est incroyable aussi, mais je ne sais pas si c'est du cinéma ou si c'est vraiment une guéguerre, mais la guéguerre qu'il y a entre Poutine et entre guillemets le reste du monde. Il faut voir aussi Je vends toujours le téléphone parce que c'est par ça que passe Internet. Il faut voir aussi tout ce que Poutine balance. Oui. Après, je ne sais pas. C'est un truc. Mais il balance beaucoup en disant attention, parce qu'on dit que la Russie fait ci, fait ça, mais il essaie de faire comprendre que. Et c'est comme s'il veut ouvrir les yeux. Mais en tout cas, je vais te dire ce qu'il en est avec la Bible toujours. D'accord? De toute façon, quelles que soient les réunions qu'ils font, que ce soit Trump qui fait les réunions avec Washington, les alertes de ceci, la Bible nous dit ici, celui qui siège dans les cieux rit. Donc ça veut dire, le Seigneur, il s'assoit sur le trône, il regarde sur la terre, il voit Trump, Poutine, le président français, ils font des réunions. Il y a des festivités, des rires au ciel par rapport à eux. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur, on dit, le Seigneur se moque d'eux. Pas de population, des chefs d'État. Donc Dieu se moque des rois de la terre. Puis il leur parle dans sa colère, après avoir ri, et les éprouvant dans sa fureur. C'est moi qui ai mon roi, ceci, ma montagne sainte. J'ai promulgué le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Puis il dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme des vases d'un potier. Puis il dit maintenant, et maintenant, verset 10, là nous allons. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Donc, si un chef d'État écoute et puis il voit ce qu'il en est, il va s'en sortir, mais ce sera difficile d'entrer dans la gloire de Satan et vouloir le servir à contre-courant. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc nous voyons que le psaume 2 concerne directement l'opposition qui lie le gouvernant du monde au Christ Jésus. Quand le Seigneur Jésus est venu dans son ministère terrestre, les apôtres ont pris ce même passage que c'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, pourquoi se tumulte parmi le peuple. En effet, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate ont fait ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Tu vois? Donc ça dit que le signe précurseur, c'était quand Jésus est venu subitement sur la terre. Le roi de la terre, comme on a dit, où est le roi des Juifs qui est né? Ils ont compris comme si. Donc c'est un roi, moi je suis roi, donc il vient prendre ma place. Ils ont compris comme si c'était un affront entre les rois. C'est par contre qu'il fallait qu'on tue l'enfant Jésus. Et donc, rentrons l'Apocalypse, donc, au chapitre 11, donc, on nous fait état des verset 18, que les nations se sont irritées. Oui, les nations sont irritées. Et ta colère est venue. Oui. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, oui. Les saints et ceux qui craignent ton nom, oui. Les petits et les grandes, oui. Écoutez, de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est quand même terrible qu'on verset révélateur. Et de détruire ceux qui détruisent la terre. La Bible nous révèle que sur la terre, il y a des gens qui ont pour mission de détruire la terre. On va entrer dans les questionnements maintenant. Comment est-ce qu'on détruit la terre? Qui sont ceux-là qui détruisent la terre? Vous les trouvez en plein dans le COP 21. Donc, c'est ceux qui détruisent la terre en réalité qui essaient de trouver des solutions. Alors, les grandes industries, qui sont ceux-là qui polluent? Est-ce que le commun de mon toi et moi, on produit le gaz à effet de serre? Est-ce que toi et moi, on produit ces gaz-là? Qui sont ceux qui les produisent? Les usines. Les usines. Est-ce que toi, tu as une usine? Non. Toi, tu as une usine, frère? Non. C'est ça qui me fait. On prétend que c'est notre voiture. C'est notre voiture qui pollue. C'est quand même terrible. Et alors, oui, effectivement, peut-être qu'une voiture peut polluer. Oui, mais t'inquiète. Pas autant que les industries. Bah, les grandes industries qui produisent les atomes, comme par exemple à la catastrophe de Tchernobyl, est-ce que c'est un commun mortel qu'il a eu? Les usines qui produisent les uraniums pour les thermiques, le thermique central là pour l'énergie atomique haute là-bas. La recherche des CNR avec la NASA et haute là-bas. C'est eux qui testent les bombardements chaque fois, frappent des bombes là-bas en Arizona pour pouvoir faire pour que les herbes ne poussent pas. Ce n'est pas eux. Dieu va les traiter. Parce que le commun de montagne ne détruit pas la terre. Et Dieu dit qu'il va les détruire ici. Voilà, on ferme d'abord la Bible. On respire un peu. On passe au deuxième volet. Donc, nous voyons que le nouveau ordre mondial, c'est la volonté de Dieu que ça arrive. Donc, le nouveau ordre mondial, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a même initié. Celle-là, je ne m'y attendais pas. C'est vrai. Ouais. On a l'impression qu'il n'y a que le mal qui peut vouloir ça. Oui. Et avant de venir à Casa, c'est le sujet que tu avais prévu de... Non, je n'ai pas prévu de sujet. N'est-ce pas, on est là, on en a de parler. Comment ça peut... Ça te surprend pourquoi? Comment? Ça te surprend? Parce que c'est un sujet qui me hante l'esprit depuis pas mal de temps. Gloire à Dieu. Et les réponses sont en train de venir. Amen. C'est, en fin de compte, je me suis aperçu que, moi je parle pour moi, parce que je pense que Dieu agit, parle, intervient de différentes manières pour chacun. Il y en a qui vont dire, Dieu m'a parlé. Moi, la première fois quand j'entends ça, je dis, oh, c'est quoi? C'est une voix? C'est un coup de fil? J'exagère. Mais c'est ça en fait, c'est quoi? Et je me suis aperçu que c'était peut-être pas pour chacun la même chose. À une réunion, à une prière de maison, on me demande si... Qu'est-ce que c'était quoi la question? Est-ce que Dieu m'a visité? Je ne sais pas, enfin, quelque chose qu'on entend fréquemment à l'église. C'est-à-dire, Dieu m'a visité ou fait. Et j'ai regardé la personne et je dis, mais je dis, c'est quoi? Visiter, c'est quoi? C'est quoi? Je suis dans ma chambre. Il vient. Il vient, il me parle. Je dis, c'est quoi? Forcément, on ne m'a pas répondu. On m'a pas répondu, mais c'est ça. C'est que des fois, c'est pour ça que là, je me suis permis des fois de dire, oh, c'est quoi ça, Babylone déjà? C'est quoi? Oui, il faut s'interroger. Parce quand que des fois, on entend des trucs, on est comme ça. Alors c'est vrai que je peux comprendre qu'un pasteur, parce que c'est souvent un pasteur ou un prophète qui prêche dans les églises, bon, ils ont le timing. Oui. C'est-à-dire, voilà, on commence à telle heure, mais il faut qu'on ait fini à telle heure, etc. Donc des fois, bon, hein, c'est bon, je coupe, j'arrête. Moi, ça ne me choque pas. Que même là, ce soir, que, bon, on va parler de ça. Voilà, Dieu me dit d'aller là. En fait, c'est sous-entendu, putain, mais... Quand c'est qu'on va arrêter. Parce que c'est Dieu qui fait, on va arrêter ça à quel moment. Mais ce qui me dérange quand j'entends ça, oui. Surtout dans une église, c'est je me dis, mais non. C'est peut-être Dieu qui veut. Arrêtez de vouloir maîtriser le truc si Dieu a décidé que ça dure une demi-heure de plus. Oui. T'as faim, tu vas aller, celui qui est à côté, t'as faim, tu vas aller manger, ben... Dieu ne veut pas. Il y en a qui font la tête dans les églises à cause de ça. Ils font la tête. En fait, moi, bien avant d'habiter à Bordeaux, pendant un an, on a habité à 1h30 de Bordeaux. Tous les dimanches, je faisais 1h30 de route en voiture. Aller et retour. Et retour. Pour aller prier. Pour aller à l'église. Et des moments, je le faisais 3 fois dans le week-end. Le vendredi soir, parce qu'il y avait un culte. Le samedi et le dimanche. Courage, tu as souffert. Hein. Il y avait 130 km à peu près. 130 km, donc 260, 520, 780 km dans le week-end, je faisais. Je le faisais parce que j'avais l'amour de Dieu, en fait, etc. Et le problème, c'est que... comment dire un soir, un vendredi soir, on est reparti très tard de l'église, je me suis endormi et j'ai cassé la voiture. Il n'y a pas eu de blessés. Je me suis endormi à 4 km de l'arrivée, on va dire. Et ma voiture est allée contre une voiture qui s'est garée. Heureusement. Le problème qu'il y a, c'est que quand ma voiture a fait ça, elle a continué à rouler en même temps. Et ma roue a tapé la roue de la voiture. Parce que celui qui s'était garé avait braqué ses roues. Comme ça. Donc ma roue a tapé. Donc ça a tellement fait de dégâts que ça a atteint quasiment le prix de la voiture. Ouais. Et en France, quand un expert passe et vous dit, bon voilà, j'estime que pour réparer la voiture, c'est le temps, ils n'ont pas encore démonté. Ouais. Donc en fin de compte, s'ils démontent, il y a peut-être un autre problème. Et à un moment donné, ben, si ça dépasse le prix de la voiture, c'est à moi de payer. Ouais. Donc du coup, je dis, bon ok, on jette la voiture et je me fais rembourser la voiture. Et ça s'est très très bien passé. Et en fin de compte, ça faisait 2 voitures que je casse. La première que j'ai cassée, je l'ai gardée 1 semaine. Là, je rachète une voiture, je la garde 2 ans et demi et je la casse. Alors que pendant 15 ans, j'ai eu la même voiture. C'est terrible. Donc je me dis, waouh, c'est quoi le problème? Et pour moi, le problème, c'est que ces 2 dernières voitures que j'ai voulu acheter... Je les prenais à crédit. Alors, jamais j'ai acheté à crédit avant les voitures. Donc je me suis dit, oh, comme le crédit, à mon sens, oui. c'est le diable, oui. même si des fois, il est vrai qu'on en fait pour une maison, oui. donc, tout le monde n'a pas forcément besoin d'acheter une maison, oui. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une maison, enfin, tout le monde n'a pas de l'argent oui. pour acheter une maison. Donc je ne sais pas du tout la position de Dieu par rapport à tout ça. C'est dans la deuxième partie des lancements qu'on va voir. Ah mais je me doute qu'il y a les réponses. Oh oui. Mais, et donc voilà. Et donc du coup, j'ai refusé de racheter une voiture. Et comme j'avais besoin, parce qu'on s'était, on était parti sur un projet, et comme j'avais aussi besoin d'argent, j'ai dit ok, j'utilise cet argent. À l'arrivée aujourd'hui, je n'ai plus l'argent de cette voiture qui m'a été remboursée parce que je l'ai utilisée pour faire autre chose, oui. mais j'ai toujours le crédit de la voiture. Oui. Et donc, je refuse de racheter une voiture tant que je n'ai pas remboursé ce crédit, le crédit oui. et que j'ai l'argent pour racheter une voiture. Oui. Ce qui veut dire que toute ma famille, je ne peux pas la transporter oui. actuellement. J'ai fait ce choix. Oui, c'est terrible. Hein? C'est un choix dur à assumer. On peut résumer maintenant, avant de passer à la question. Le nouveau ordre mondial est biblique. C'est la volonté de Dieu que le nouveau ordre mondial arrive. Ça doit arriver. On ne peut pas empêcher. Et dans, au milieu du nouveau ordre mondial paraîtra Dieu. Et le nouveau ordre mondial, c'est le signe même du jugement de Dieu sur les nations. On a résumé cela. Et donc, un homme d'État qui dit qu'on n'y peut rien. Oui, il ne veut que dire, il ne veut que répéter la parole de Dieu en toile de fond. En fin de compte, il prophétise. Il prophétise, justement. Il prophétise. Alors que lui, il croit que quand je voyais Sarkozy faire cela, je vois le drapeau français derrière lui. Et puis, j'ai le regard, il pointe la. Vous avez vu? Oui, oui, j'ai vu. Il pointe le doigt dans la caméra. Ah, oui. J'ai vu cette image-là, je l'ai regardé. Parce que quand je vois, je dis. Ah, et puis, je vois ce que la Bible parle de la France dans la Bible. J'ai craint. Alors, on va se poser quelques questions. Ça, c'est la grande structure du nouveau ordre mondial. Maintenant, dans notre quotidien. Comment devrait-on réagir face au nouveau ordre mondial? Quelles sont les ramifications? Ça entre jusqu'à dans le plat de nourriture que nous mangeons. Il y a les ramifications. Parce qu'il y a des styles de nourriture qui nous distillent en toile de fond pour qu'on mange, pour être bête. Il y a les gens qui pensent à le nouvel ordre mondial. Ils ont pensé même les repas. J'ai un combat ouais. contre ma femme. Ouais. Ma femme a besoin d'être dans une ville. Une ville. Oui. Pas une petite ville, ouais. une ville. Donc aujourd'hui, on vit proche de Bordeaux, oui. en banlieue de cette ville, donc dans un appartement. Mm. Qui dit appartement dit que ben, on devient un villageois. Oui. On mange ce que la grande distribution, oui. c'est comme ça qu'on l'appelle, veut nous donner. Mm. Et moi, ça fait maintenant bientôt 10 ans. Que je répète à ma femme qu'il faut qu'on vive à la campagne. Oui. Et que l'on. Et comme moi, j'ai réussi, j'ai eu la bénédiction au travers de mes parents. Oui. D'avoir pardon de ne pas tout le temps de se regarder. Non, c'est aussi bien de l'interpeller parce que le sommeil risque de prendre. Non, je ok. J'ai eu la bénédiction de voir mes parents avoir un jardin. Oui. Élever des poules, oui. des canards, des lapins, enfin, élever. Oui. Et pendant toute mon enfance, de ma naissance à mes 18 ans, 20 ans, quand je mangeais un poulet, c'était un poulet de chez nous, oui. Les haricots verts, les légumes, certains légumes, oui. enfin, tout, ça venait du jardin. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, sur la période de printemps-été, il y avait le jardin. Mm. Et après, on passait en mode conservation oui. ou congélation. Oui, oui. Et ce mode de vie, je ne le pratique pas du tout avec ma femme et donc mes enfants. Et je suis dérangé. Très dérangé par rapport à ça. Mm-hmm. Sauf que c'est un combat contre ma femme. Non, oui. Maintenant, je crois qu'à l'issue de ça, là, il faut aussi admettre que la femme, avec le train de vie, comme Tom, tu le connais, était dans une autre sphère. Maintenant, comme elle en est revenue avec le Seigneur, elle va comprendre cela. Et de plus... parce que c'est très compliqué d'être propriétaire. Mmh. Après, on peut me dire, mais loup, mmh. effectivement. Mais il ne faut pas non. Enfin, bref. Et moi, ce que je pouvais faire, c'était récupérer une maison familiale, mmh. mais qui est à la campagne, oui. qui est à 40 minutes de Bordeaux. Oui. Ce qui n'est pas c'est pas plus mauvais. Oui. Je veux dire, si on a besoin de certaines choses, on a toujours quand même... Moi, j'ai toujours vécu comme ça, j'ai toujours vécu à cette distance de Bordeaux. Moi, ça ne me choque pas de faire tous les jours 30 à 40 minutes, bon, suivant où on veut aller, 50 minutes. Hein, parce que des fois, si on veut rentrer au cœur de la ville, c'est pas 30 ou 40 minutes. Et on pouvait récupérer une propriété, une maison avec un très très grand terrain. Ça a toujours été un combat avec ma femme parce que c'est à la campagne. Je comprends ma femme parce qu'elle n'a pas le permis. Donc forcément, elle se sentirait complètement enfermée. Et de plus, je ne suis pas tout le temps là. Donc si je ne suis pas là, elle refuse de se retrouver coincée. Je peux le comprendre. En fin de compte, c'est un endroit qui, moi, me paraissait idéal parce qu'il y a vraiment du terrain. Il y a vraiment, enfin voilà, c'est vraiment le... Pour faire les choses bio nature. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé à l'époque à une responsable d'église, à une prophétesse. C'est la première église où j'ai découvert la parole de Dieu. Et je lui explique, je dis voilà, je dis ça a appartenu à mon oncle, le frère de ma grand-mère. Donc ma grand-mère en a hérité parce que mon oncle n'a jamais eu de femme, d'enfant. Et ma grand-mère ayant une seule fille unique, ma maman, ben du coup, ma maman aujourd'hui en est propriétaire. Et moi je souhaiterais, je peux tout à fait l'utiliser, c'est-à-dire je récupère cette maison, il faut entièrement que je la refasse. Mais voilà, je peux partir sur un projet comme ça. Et cette servante de Dieu m'a dit non, surtout pas, parce que c'était la troisième génération qu'allait avoir la maison, etc. Et ça a convaincu ma femme qui me dit, bah, tu vois, C'est terrible. Etc. Et ça fait plusieurs années que des fois je la relance en disant, mais on peut récupérer cette maison. Et elle ne veut toujours pas. C'est encore de l'économie comme ça. Elle ne veut toujours pas en entendre parler. Non, cette fois-ci, ça va aller. Cette fois-ci, ça va aller avec ce que nous voyons là. Donc, je ne prétends pas que c'est ça que Dieu veut, parce que je ne sais pas du tout ce que Dieu veut. Peut-être que Dieu voudrait que on parte vivre en Afrique. Parce que il faut prendre la santé camerounaise une fois quoi. on a songé, après, je ne prétends pas que c'est là qu'il faut aller, mais on avait songé à une époque forcément d'aller sur Abidjan. Abidjan a fait peur à ma femme. Elle a dit « Ah !» C'est devenu très cher. Donc voilà. Donc je ne sais pas, parce que je respecte beaucoup ce que Dieu veut. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à... Enfin, cette pensée m'a fait penser à... Enfin, je sais pas, j'ai eu cette pensée quand vous m'avez expliqué que vous étiez Camerounais et que vous viviez au Maroc. Je sais que Dieu a choisi une terre pour chacun. C'est pas forcément la terre de naissance. Donc j'ai toujours un frein à ce projet de vivre dans cette maison familiale, je me suis dit, peut-être que Dieu ne veut pas. Non, c'est pas ce que Dieu veut. Mais en tout cas, parce que je m'étends trop, pardon, mais pour moi, à mon sens, ce que Dieu veut pour éviter que l'on se fasse embrigader par ce nouvel ordre mondial, pour moi, c'est apprendre à cultiver sa nourriture, sa viande ou quoi que ce soit, et éventuellement élever un mouton, le tuer en temps et en heure, et ça c'est important à mon sens, dans le sens où c'est la seule façon de survivre, et d'éviter ce qu'ils vont nous proposer là. Si demain la terre vient être retournée, que Dieu déverse sa colère, parce que là, il n'y aura plus de grande distribution. Peut-être les premiers temps. Mais quand les rayons vont être vides, il va falloir que l'homme puisse se débrouiller. Oui, mais vous êtes à 40 km de là, tu auras des voisins. Si eux également, ils en manquent de l'outil, ils vont se servir chez toi. Sûrement, peut-être. Maintenant, touchons les grands points d'esclavage. Ça, c'est l'aspect privé. Et là, je crois que tu auras la direction du Seigneur avant de rentrer en France par rapport à cela. Donc, ça va marcher. Mais regardons plus profondément, plus subtil. Est-ce que tu aimes tes enfants? Oui. Est-ce que c'est normal qu'on enseigne la pornographie aux enfants à l'école? Ah non. Mais le nouveau ordre mondial, cela dans son agenda. Oui, c'est prévu. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, ils commencent à en parler en France. Ils veulent mettre ça dans le programme. Alors, qu'est-ce que tu en fais? Voilà les dangers. Parce que on va dresser, on a déjà armé mentalement et dressé les enfants contre leurs parents. Tout à fait, Lisons le prophétie biblique. 2 Timothée. Seconde épître de Timothée. C'est tout juste là. Oui, là, là, là. Là, tu as traversé là. Voilà, tu touches, ouvre la page là. Après, tu attends. 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 3. Il veut que tu lises les versets 1 et 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait en fait la force. C'est bon. Donc on dit, sache que, donc c'est quelque chose que nous devons savoir. En fait, des événements qui arrivent là, c'est quand même dommage que certains chrétiens prennent leur information par les journaux qui nous sont proposés. Alors que ce sont ceux-là qui contrôlent les grandes presses, sociétés de presse, des journaux, ainsi de suite. Donc ils distillent ce qu'eux, ils veulent qu'on nous aille. C'est ça. Mais le chrétien devrait être enseigné par le Saint-Esprit. Ils disent que voici les grands titres des journaux du Saint-Esprit dans le dernier temps. Ils sachent ceci. Oh, grand titre, ça veut dire que ça, c'est le journal qui l'annonce là. Il y aura temps difficile. Les gens se rompent. Donc, c'est devant pas son surprenant qu'on voit. Les gens se replient sur eux-mêmes, l'égocentrisme. Et qui dit égocentrisme dit capitalisme à outrance. Le capitalisme, il va t'épuiser, il va faire tout et tout. Il y a des débats de 35 heures, 36 heures en France, pêle-mêle, pour pouvoir faire les 36 heures. Épuiser les gens au fur et à mesure. Faire que les gens se tournent autour de l'argent. C'est autour de l'argent parce qu'il faut qu'ils sortent rapidement. Oui, 5 heures, les gens sortent pour aller reprendre le métro, pour prendre différentes combinaisons, pour aller. Quelqu'un habite en Suisse, il travaille en France, il faut faire cette navette-là chaque jour, rentrer épuisé, il ne voit pas en quoi il va lire la parole de Dieu. Quelque chose qu'il faut faire pour attendre Dieu. On a dressé les hommes contre Dieu. Ce système-là a dressé les hommes contre Dieu. Mais là, c'est l'aspect de l'enfant, je ne sais pas le moment de parler de tout le monde, c'est l'aspect de l'enfant dont il est question ici. Je dis cela parce que toi tu es européen et que chez toi tu as des enfants. Quand je regarde votre condition, je dis c'est désolé, mais c'est vrai que ça va être universel. Mais je vous dis, c'est accentué. On dit donc, les enfants seront rebelles à leurs parents. Donc la prophétie dit, à la fin du temps, il y aura une rébellion à leurs parents. Or, rebeller à ses parents, ça suppose donc que l'enfant ne peut plus être béni comme Dieu le veut. Parce que la Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est le premier commandement avec promesse, afin que tes jours soient allongés. Pas seulement que les enfants aujourd'hui meurent avant les parents. Et ça va aller accentuer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas taper sur un enfant. Votre propre enfant dans la rue, la police vous arrête. C'est ça. Au point où on part à vous soustraire votre enfant pour le donner à des gardes. C'est ça. Non, mais c'est terrible. C'est ça. C'est terrible. Où est-ce qu'on se dirige là? Et là, je me pose une homme vers vous. Comment vous vivez ça donc chez vous en France? Vous-même en tant que parent. Avec toute cette pression là. Ça dépend. Le parent qui accepte cela, oui. Mais il subit. Oui. Il va laisser son enfant faire. Oui. Il y a des enfants qui insultent les parents. Et le parent ne fait rien. Les parents font rien. Ils deviennent des enfants. Oui. L'enfant devient parent et le parent devient enfant. C'est exactement ça l'anarchisme. Donc il y a ça. Et après, enfin, moi je parle de ceux vraiment qui subissent tout. Parce qu'en plus, ça s'est montré à la télé. Ils montrent, il y a des gens qui n'ont pas honte de montrer leur enfant comme ça, irrespectueux et tout. Et après, des gens comme moi qui avons une certaine fermeté, oui. Mais qui pouvons avoir des problèmes. Oui. Ça m'est arrivé là où j'habitais, là, à 1h30 de Bordeaux. De Bordeaux en fin de compte, on avait un couple d'amis à la maison avec leurs enfants. Et à un moment donné, il y a un de leurs enfants qui se met à pleurer. Et je retrouve un des miens avec. Il était jeune, hein, le mien. Il avait 3-4 ans. Et je me dis, ça y est, il a dû faire mal à cet enfant. Et on se sent très très mal. On accueille quelqu'un chez soi. Et en plus de ça, voilà. Et donc le réflexe que j'ai eu, ça a été de le prendre, de l'asseoir sur le canapé, de lui dire tu bouges pas. Il m'a tellement énervé, j'ai eu tellement de colère en moi que j'ai voulu lui mettre une gifle. Et en lui mettant la gifle, il était de côté. Et en lui mettant la gifle, je lui tape sur le nez. Et là, je comprends que je lui fais mal, parce que je lui ai fait mal. Et finalement, il va à l'école. Et on remarque la tâche. Non, mais il dit que ah, papa a tapé fort. Papa a tapé fort. Et de suite, enquête. On va interroger mes autres enfants sans qu'on soit au courant. Waouh. C'est ça la loi en France. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens, je suis au travail, ma femme me dit, écoute, j'ai reçu un coup de fil, il faut que tu viennes. J'arrive. C'était la période où je venais de casser ma voiture. Oui. J'étais en vélo. J'ai quitté le travail. Oui. Je vais à la maison. Et voilà, j'arrive, je les regarde, je dis, bon, explique-moi tout, expliquez-moi directement pourquoi vous êtes là. Oui. Parce que je sais comment fonctionnent ces gens-là. Oui. Ah, bonjour, voilà. Ils étaient flattés. Ouais, puis ils tournent. Oui, ils tournent. Ils vont pas directement à. Oui. En fait, c'est comme s'ils attendaient que ce soit moi qui le dise. Mmh. Donc je leur dis, je vais expliquer moi. Donc voilà. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire quand tu leur as dit, allons-y droit au but, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils ont expliqué que voilà, ils avaient mon fils Salomon qui s'était plaint que je l'ai tapé. Donc j'avais. Mais ça n'a pas pété tout de suite. Oui. Quand vous avez une conversation avec ces gens-là, c'est pas tout de suite. Ils essaient de vous il peut s'écouler 30 minutes. Oui. 40 minutes. Mais est-ce qu'on peut utiliser la psychologie pour voir si tu es quelqu'un de chaosé, de peut-être, pas, de calme? Peut-être. Et ma femme, ça la stresse beaucoup. Parce qu'elle me dit, arrête, ils vont croire que ça y est, ils vont arrête d'être agressifs. Avant de continuer là, ce témoignage, je pose une question. Est-ce d'abord normal que l'enfant va se plaindre à la maîtresse? J'ai quand même plutôt l'impression qu'ils essaient de poser des questions aux enfants pour voir comment ça se passe à la maison par rapport à la présence. Parce que l'enfant ne peut pas laisser ses parents qui l'aiment pour aller se plaindre à la maîtresse. Parce que les enfants, on sait que les enfants sont ouverts. En lui posant une question directe, ils répondront de la bonne réponse. C'est possible. C'est tout à fait possible que ce soit eux qui aient déclenché le questionnement. Oui. Sincèrement, je ne sais pas. Parce que c'est terrible. Hein. Je ne sais pas. Et comment ça se soldait alors? En fin de compte, ils vous expliquent qu'ils montent un dossier, ils vous expliquent différentes choses. Et finalement, ça c'était, je ne sais plus, au mois de, on va dire mars, courant mars. Et finalement, courant juillet, on quittait la zone, cette ville, et on venait sur Bordeaux. Oui. Donc il n'y a pas eu forcément de suite, il y a peut-être une trace au niveau national. Dans le fichier, oui. Voilà. Et on a, et là, on a un deuxième événement avec la grande, qui a, alors elle, je ne sais pas du tout comment c'est venu. On a une enquête aussi là, par rapport à elle. Elle a 14 ans. Oui. Et elle est allée dire que elle s'était faite violer à Abidjan en 2014, quand ma femme, avec tous les enfants, on s'est retourné faire 3 mois là-bas pendant que j'étais en mission. Parce que comme j'ai accumulé les missions, ma femme a eu besoin de se ressourcer. Donc j'ai dit, ok, vas-y, 3 mois. Donc l'école là-bas, enfin tout normal. Je veux dire, ils n'ont pas fait 3 mois de vacances. C'était de septembre à début janvier. Voilà, et en fait, quand j'ai été mis au courant, j'ai bien questionné la grande. J'ai dit, mais t'es sûr de toi? J'ai dit, attention, il dit, là, t'as déclenché un truc, t'es loin d'imaginer ce que c'est. Ouais. Là, ils vont enquêter et tout. Et donc, en creusant, elle dit, non, finalement, j'ai menti. Pourquoi? Parce que maman m'a fâché le matin, et donc j'étais en colère, donc c'était pour me venger. En disant qu'elle a été violée, quelle était la répercussion sur les parents pour irresponsabilité ou bien les parents mettent la vie des enfants en danger? Quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, moi ça c'est... En fait, je reçois un courrier pendant que Flora était avec vous. Oui, à Abidjan. Oui. Je reçois un courrier le jeudi ou le vendredi. Oui. Bonjour, on vient vous voir mardi. J'appelle. Jamais eu de contact avec tous ces gens-là. C'est que ma femme et et notre fille. J'appelle, j'ai dit, ce ne sera pas possible. Oui. Je ne leur ai pas dit, excusez-moi, non, ce ne sera pas possible. Ne venez pas ici. Ne venez pas, ma femme n'est pas là. Oui. Ah, d'accord, oui, bon, très bien. Non. Alors, on parle un petit peu et tout. J'ai dit, mais j'ai cru comprendre que vous vouliez me voir. Oui, oui, oui, tout à fait. Ouais. Je dis, ben, vous pouvez me recevoir là, actuellement, là, enfin, oui. en ce moment. Oui. Je sais pas, je dis, parce que sinon ça va être très compliqué. Oui. Moi, je pose la question. Et donc, est-ce que les lois protègent les enfants et les femmes en réalité? Les lois qu'ils ont votées? Ou bien les détruisent plutôt? Ah, moi, pour moi, c'est les détruire. C'est la destruction. Pour moi, c'est diviser la famille. Voilà. Mettre un enfant dans une autre famille, ce qu'on appelle une famille d'accueil, oui. Ben, c'est terrible. C'est, voilà. Et combien de fois vous entendez que telle ou telle personne est devenue délinquant parce qu'il est orphelin? Juste parce qu'il était dans une famille d'accueil, la région parce que si, parce que ça. Voilà, il y en a qui sont délinquants parce qu'ils sont avec les parents. Enfin, je veux dire, il y a des délinquants qui ont vécu avec leurs parents. Mais c'est vrai que fréquemment, ouais, on a des cas comme ça. Il y a une chose qui m'a fait plaisir, c'est que Orlane, donc cette jeune fille, je la connais depuis qu'elle a 5 ans. Oui. Et elle porte des lunettes. Oui. Et je me fâche tout le temps, en lui disant... Mets tes lunettes. Très souvent, elle partait le matin, oui, à l'école, donc elle revenait le soir, je dis, tes lunettes, je les ai oubliées. C'est facile. Oui. Je les ai oubliées comme ça, bah, oui, je les avais pas, tu peux pas me fâcher parce que je les avais pas. Oui. Bon, bref. Et il y a quelques mois, là, elle me dit, ça y est, un peu comme si Dieu tombait dessus. Oui. Elle me dit, j'ai compris pourquoi... Enfin, j'ai compris qu'il fallait porter les lunettes tous les jours. Donc, dorénavant, je les porterai tous les jours. Et j'ai rebondi en disant, donc tu comprends que quand je suis sur toi, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Ok, alors, je reviens sur... Telle ou telle chose encore. Telle ou telle chose. Mais c'est très très compliqué parce qu'on se sent oppressé en tant que parent. En tant France. Que parent donc, est-ce que tu es prêt à défier? Là, tu as la loi de Dieu dans la Bible. Toi, au moins, tu le fais partie des rares français qui connaissent. Aujourd'hui, oui. Oui. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais peur. Voilà. Pas de Dieu. Oui. De ces lois-là. De ces lois-là. Mais qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui, connaissant maintenant ce que Dieu veut et connaissant et que bien, d'un côté, il veut le détruire? Eh bien, j'assumerai. Oui. C'est-à-dire que si je viendrais à mettre une gifle à un enfant, oui, et qu'on viendrait à me poser la question, bien, je dirais oui, effectivement, je l'ai fait. Je prierai, oui, bien sûr. De façon à ce qu'on ne m'enlève pas mon enfant. Oui. Et comme tout à l'heure on disait, s'il faut que j'aille faire 2 jours en prison, ben j'irai faire 2 jours en prison. Oui, donc pour rien au monde, tu ne respecteras pas cette loi de l'Antichrist alors. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je me permets aussi, à moindre mesure, je me permets des fois de recadrer des enfants qui ne sont pas humains. Voilà. Qui peuvent être en bas de au parc, escalier, hein, oui, au parc de jeux là, dans, oui, le jardin comme là, hein, oui, c'est-à-dire ça peut être déjà une chose qui disparaît beaucoup, oui, la politesse, oui, bonjour, ah c'est terrible hein, aujourd'hui vous écoutez la radio, ou même des fois la télé, salut, oui, salut, c'est quoi ça, enfin, moi je parle pour la France, oui, oui, oui. Mon éducation me fait dire que salut, ce n'est pas du tout correct. Oui. Salut, c'est « Ah, salut !» C'est un passant comme mais ça. Mais bonjour. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant de 5 ans peut dire « Salut » à un grand-père. Oui. Et pour moi, le respect des générations, oui, est très important également. Oui. Donc, ça m'arrive de recadrer. Et au niveau violence, oui, c'est-à-dire que vous êtes allé chez là où a logé ma femme, oui, dans la maison, oui, bon, vous êtes allé chez une sœur, oui, de Flora, oui, mais qui n'était pas là, oui, qui est en France en ce, oui, moment. Absolument. Elle a 3 enfants. L'autre jour, elle avait un de ses enfants qui a 10 ans. Il prenait un de mes fils, qui est forcément plus jeune, oui, par le bras. Depuis la fenêtre, depuis l'immeuble. Oui. Ouais, Chris. Moi, dans le quartier, on doit se dire que c'est qui celui-là. Et le gamin, il a tout. J'ai pas insisté. Hein. Ouais. Il sait que quand le tonton, il est là, ouais, s'il élève la voix, c'est qu'il y a un truc. Et tout de suite, j'ai appelé la grande. Oui. Je dis, écoute, moi bien, je vais dire à ton cousin. Je ne veux pas le voir avoir ces gestes violents. Oui. Donc il y a ce combat aussi au niveau des. Par rapport aux gens, oui, de violence. Oui. Mais c'est vrai que, voilà, je terminerai là-dessus. En tant que parent en France, on se sent oppressé. Oui. Assumer si je fais quelque chose par rapport à la parole de Dieu, oui. Et le deuxième combat, c'est ce fameux programme de sexualité là, oui, qu'ils ont prévu. Et là, on se dit quoi? Parce qu'on ne met plus son enfant à l'école? Bonne question. Ou alors, on change de pays? Bonne question. Que doivent faire donc les Français, les Européens, face à ces situations, à cette loi-là? Est-ce qu'ils sont conscients que cette loi-là les sont en défaveur? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Beaucoup de Français réagiront, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est comme ça. C'est qu'ils acceptent. On laisse faire. C'est ça. Mais parce qu'on les a longtemps matraqués et préparés mentalement pour le bien-être. Et ça s'est fait rapidement. Oui. Ça s'est fait en, allez, 40 ans. Oui. À peine. Alors que ça fait des siècles qu'on est sur cette planète. Mmh. Et ça fait des siècles que les enfants se faisaient, comme vous dites, en Afrique, chicotés. Oui. Et en même pas, en quelques années. Dans la chicote de l'Afrique, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Parce que le commandement de Dieu chicote l'enfant. Et encore, je parle d'il y a 40 ans, c'est faux. Ouais. Parce que j'avais, il y a 30 ans de cela, je me faisais gifler par mon maître d'école. Voilà. Donc je suis même dans l'erreur, pas 40 ans. Aujourd'hui, on le tarcerait des rétrogrades. 20 ans. Oui. On le tarcerait aujourd'hui des rétrogrades. Et je ne me permettais même pas d'aller le dire à mes parents, parce que... Je me disais, voilà, c'était connu ça. Oui. Papa ou maman, j'ai le maître qui m'a mis une gifle. Le gamin, dans des familles, le gamin n'a pas fini sa phrase qu'il va me prendre. Il y en a encore, c'est sûr que tu as fait pour lui. T'en prends une parce que tu te plains là. Oui. Et que si le maître t'en a mis une, et qu'aujourd'hui, et c'est malheureux, et c'est même une réaction que moi j'aurais pu avoir. Oui. Papa, le maître ou la maîtresse m'a mal parlé. Oui. On n'est même pas en train de parler de violence. Ah bon? Je vais le voir. Alors, je pose la question avant de terminer. Je termine avec ces questions. Normalement, à qui appartient l'enfant? À Dieu. À Dieu. Donc, on doit donner l'enfant. On doit laisser les enfants venir au Seigneur, comme il a dit dans la Bible. On doit les laisser venir au Seigneur et ne pas les empêcher. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà.